C'est fou, la face. 81. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Paradis sera là pour partager avec nous les petits bonheurs de la vie. David Ferron trouvera un thème qui regroupe trois pièces francophones ensemble dans la langue dans ton oreille. Et on achètera des choses dans notre segment 16, mais ça devrait répondre là. Assemblage requis, commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 24 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, Jean-Philippe Charbonneau est en congé. Aujourd'hui, on dit congé avec de très, très gros guillemets. Congé de radio. Congé de radio parce qu'il travaille sur son exposé oral qu'il a ce matin. Exactement. Donc, on lui souhaite bonne chance. Oui, une grosse merde. Oui, une grosse merde. Une grosse bouse, c'est ça, mon JP. Donc, Stéphanie, bonjour à toi. Bonjour à toi, Mathieu. Très heureux d'être avec toi pour cette émission où on va partager des choses bien le fun ensemble. On va avoir beaucoup de bon contenu et de bon plaisir. Pas le choix. L'assemblage requis. C'est ça. C'est le matin, c'est le fun, on a du plaisir. On se couche tard, puis on se lève tôt, puis on a pas grand heures de sommeil. Ça. Puis on mange des fraises déshydratées. Ah, miam! C'était pas des fraises déshydratées, la phase hier. C'était comme des jujubes aux fraises. Non, non, hier, mon Dieu, c'était pas... non, non. Imagine-toi pas qu'il y avait une portion de fruits là-dedans. Là. C'était beaucoup trop de sucre. Donc aujourd'hui, l'émission à 7h30. Stéphanie Paradis, d'habitude, tu fais la chronique et petit bonheur. Cette fois-ci, vu que c'est toi qui co-anime l'émission, je vais faire la chronique. Ah, ouais, c'est une bonne idée, ça. Avec Jean-Philippe d'Outre-Tombe. Ça tombe bien, j'ai rien préparé. Pas grand trop préparé. Non. Pas, non. Moi non plus. C'est ça que ça veut dire. À 8h, David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Il va nous présenter, comme toujours, la musique francophone. Par contre, cette fois-ci, la thématique, c'est que c'est nous qui avons choisi les pièces, toi et moi. Ben oui, c'est vrai. Et c'est David qui doit trouver un thème derrière ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. On a trouvé les choses les plus les moins facilement associables possibles. On s'est quand même forcé, là. On a regardé un peu les titres, on a pensé aux possibilités. Pour qu'ils marchent pas ensemble. Exactement. C'est ça. Et à 8h30, on fera Kinky Sexy Time, donc la chronique osée pour un public plus ou moins averti. Crunch, crunch. Crunch, crunch? Ah oui. Ah, t'aimes ça quand c'est croquant et non pas semi-mou. Alors, on va débuter avec ça, mais ça devrait répondre là, avec des gadgets très utiles à avoir dans votre vie pour régler les problèmes. Mmh. Gadget, problème, hein? 1 plus 1 égale 2. Et, t'es sûr? Je sais pas. As-tu une calculatrice cocasse à me proposer? Ah, ce serait le fun, hein? Quelque chose qui calcule tout seul, mais qui, tu sais, qui pitonne les chiffres lui-même. En fait, il crée des problèmes à calculer, puis okay. Il calcule, fait qu'il donne des chiffres au hasard. Ouais, en autant qu'une calculatrice puisse s'appeler Boobies à l'envers, je suis bien content. Boobies! C'est tellement mature. Oui, ben Mathieu est mature, tu sais. Ben oui, exactement. Donc, voilà, pour l'émission d'aujourd'hui, ça va être excellent, ma foi. Ma foi. On débute par contre avec... Ben, pas par contre, parce que ça reste excellent. Je me suis surpris vite, là. Voici East Road. Ben oui, c'est bon, ça. Et Oh Love. C'est Assemblage requis. Bonne émission. See the same sky. Wolves in my lungs and wings on my breath. Bubbling brooks of blood in my veins. Rust on my lips and pollen at my daisies. Your presence now is all I need. When winter comes by, don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly me south. Oh love, what will you do? forward. They are for all to rejoice. And December it is once again on my course. Here I am, might be my choice, but music can replace our love. When winter comes by, I don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly me south. Oh Lord, what will you do? Oh Lord, I'm still longing for you. Longing for stop thinking. I've been told not to go. It's heavy on my mind, you know. I've been told not to go. I can't be so far from home. You're my des Oh Love, assemblage requis. Steph, tantôt tu parlais de fraises déshydratées, là, c'est que t'as amené ta boîte de spécial cas avec toi. Ouais, mais parce que j'ai pas dormi chez nous. OK. Et en fait, un homme qui habite seul, ça a pas beaucoup d'épicerie. Donc, je me suis dit, tant qu'à manger une boîte de Kraft Dinner pour déjeuner, je suis mieux de traîner mes céréales. Avec des fraises déshydratées. Exactement. Ben, c'est merveilleux, ça. Les petites baies rouges. Bon appétit. C'est bon, bon, bon. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça a l'air à ça. Hey, tantôt, je te faisais entendre l'ancienne version de la chanson thème que je m'apprêtais à faire jouer pour Sex Missile Répond là. Mm-hmm. Tu sais que cette intro-là, c'est en fait une intro d'une ancienne chronique qu'on avait. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas écoutée. Donc, j'avais envie de vous la faire entendre à vous t'es aussi. Pas sérieux, pas encore? Ben oui. Voici l'ancienne intro de la chronique linguistique de Jasmine Raymond-Drinville. Chronique linguistique à Jasmine, chronique linguistique à Jasmine. Jasmine parle de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. Ouch. Ah, ben oui. Ouch. Ben oui. C'est ici, ça ne devrait pas, on l'a. En fait, donc c'était la portion après la petite chanson, là, hein? C'est ça? On se comprend. Et c'est la chronique où on s'achète des gadgets complètement inutiles. Et Stéphanie, je t'invite à suivre comme tous les gens à la maison ou ailleurs sur assemblagerequis.com. Procrastinez un petit peu votre matin. Remettez votre oral à plus tard. Est-ce qu'on peut vraiment procrastiner à cette heure-là? Je sais pas, moi. Procrastiner son déjeuner? Ouais, ben en non, déjeunant. C'est non, ça. Oui, c'est important de déjeuner. Oui, ben je le fais pas, mais je sais que c'est important. Ben, t'as une partie de fait, t'as un bout de chemin de fait vers la bonne voie. Si tu me donnes des céréales, je vais être prêt à manger. Ben, j'ai pas de lait, là. Pas grave. Mais tu peux piger dans la boîte si tu veux. Ben. C'est une jumbo pack family edition. Ouais, c'est ça. D'accord, ben si jamais je mange de tes fraises, peut-être que je vais pouvoir, vu qu'il n'y a pas de lait, je vais pouvoir verser de la bière dedans, de la chasse-galerie, ça, de la bière en fût directement dans mon bol de céréales. Et je vais avoir besoin de ce gadget-là pour voir mon taux d'alcool dans le sang, mais beaucoup plus socialement qu'avant, avec le backtrack. Ceux qui aiment beaucoup les données, hein, c'est les chiffres, le hardcore matinfo. Donc, ils ont besoin du Backtrack Mobile Breathalyzer qui va plus loin qu'un breathalyzer normal en intégrant des capacités sociales. Et ça fonctionne avec votre téléphone intelligent. Donc, ça va surveiller votre niveau de taux d'alcool dans le sang avec ce qu'on appelle la Fuel Cell Technology qui est beaucoup plus professionnelle que la version Semiconductors. Une autre façon de voir le taux d'alcool dans le sang. Et ça va faire un graphique à travers le temps de ton taux d'alcool. Donc, tu peux voir jusqu'où tu es allé dans le fond du baril et combien de temps ça t'a pris. et des affaires comme ça. Et il y a comme un genre de petit journal qui va te permettre de prendre des notes alors que tu te saoules à tous les soirs. Et si tu es dans le mood pour partager un peu, tu peux avoir 4 niveaux de vie privée. Donc, de complément privé à... de privé et personnel à complément social. Et tu peux choisir un niveau intermédiaire. Donc, tu vas pouvoir partager avec les autres combien d'alcool. À quel point t'es saoulant. C'est exactement ça. Mais c'est le fun avec ces petits graphiques-là. Tu pourrais analyser les données et comprendre après combien de bières t'achètes des saloons de chose. Ah, ça, c'est un exemple de... Oui, à 4h30 du matin, après une soirée bien arrosée... Ça prend une saloon de chose. Apparemment que j'achète une saloon de chose à Chargary et je la mange sur le chemin en zigzagant dans la rue. Donc, le Backtrack Mobile Breathalyzer, ça fonctionne seulement sur les appareils de Apple et ça coûte 150$, ce qui est quand même raisonnable pour un produit avec autant de fonctionnalités. Ben, je trouve ça quand même cool. C'est cool. Backtrack Mobile. Mais ce que je trouve un peu plate, c'est que si c'est rendu temps social, ben, tu pourrais justement essayer de pousser un peu plus l'alcool juste pour faire comme, regarde comment je suis cool. Je suis pas mon record. Ouais. Faut s'encourager dans la vie. Mais pas dans ce sens-là. C'est ça. Qu'est-ce qui va bien avec la bière, hein? À la fin d'une soirée, il faut que tu manges des frites. Ben, j'allais dire une poutine. Ah, j'étais pas loin. T'aurais un ingrédient de... Ouais, c'est à peu près ça, une frite, finalement, ouais. Ben, c'est pas loin. Pas mal loin. Donc, il te faut, parce que quand t'es dans ta voiture, c'est difficile de tenir ton volant et la frite en même temps. Tu veux pouvoir manger des frites en conduisant. Surtout si tu conduis manuel. Oui, surtout si t'as bu aussi. Non, mais ça, c'est pas une bonne idée, non, ça. Un exemple. Donc, quand on mange des frites, c'est ça, elles deviennent trempes, surtout si tu les laisses dans le sac d'où ils viennent. C'est pas génial. Donc, le potato holder, qui, là, en fait, ne tient pas des patates, comme dirait potato holder, là, ça tient des patates frites. Donc, c'est disponible chez McDonald's au Japon. En fait, c'est McDonald's eux-mêmes qui vendent ça au Japon. Ça entre dans votre porte-verre, dans votre voiture. Donc, pas besoin de l'installer ou rien, pas besoin d'attacher, de visser ça, rien. C'est juste dans le porte-verre. C'est un rack à frites, mais en plastique. Et tu mets ta frite à l'intérieur. Avec la boîte de carton. Donc, pas besoin de laver votre truc après. Ça se salit pas. Ben, c'est cool. Je suis pas particulièrement fan de fast-food, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Oh, moi, je suis au-dessus de ça, le fast-food. Non, non, j'en mange, là. Mais je suis pas pour la promotion d'eux. Et pas au volant. Les frites au volant, hein? C'est criminel. Moi, je mangerais de la sauce à gredo. En fait, je la boirais directement dans l'auto. Ah! La sauce miel et moutarde. Après être allé... je fais des liens incroyables aujourd'hui. Hein. Après être allé chez McDonald's et après avoir bu peut-être beaucoup d'alcool, vous allez vouloir une toilette qui vaut la peine. Oui, c'est pas le choix. Votre fessier mérite tellement plus que ce que vous avez à la maison ou dans un bar. Donc, c'est une toilette à 6 600$. C'est la compagnie Kohler qui fabrique des appareils de cuisine et de salle de bain. Et la Nomi Toilette... c'est le dont on parle en ce moment. 6 600$ pour en être propriétaire. Ça fait une variété de choses qu'une toilette ne fait pas normalement. Donc, ça inclut un récepteur Bluetooth. Hein? Oui, pour streamer de l'audio avec votre appareil mobile. Vous allez pouvoir streamer votre musique directement dans la toilette. Ben oui. Au parleur d'un fest. Lecteur de cartes SD qui vous permet d'avoir des playlists ou des messages d'accueil personnalisés pour votre toilette. Donc, quelqu'un s'assoit. Bonsoir, Stéphanie. Okay. Bonne chance. Reconnais ta physionomie faciale au lieu de faciale. Ah, j'aime ça, ouais. C'est bon. Port USB pour faire des mises à jour. De la lumière ambiante avec 7 différentes couleurs. Donc, pour se divertir aux toilettes. Hier, il y a eu mal là-dedans. Si tu penses 30 minutes là, sur ton iPhone, aussi bien de passer sur ta ton bol. Ton divan. J'aimerais mieux le divan. Ah, c'est bien le divan toilette. Je la trouve un peu, comment dire, carré. On dirait un congélateur. Ben, moi, je trouve que les petits coins, ils doivent rentrer dans le fessier. Ah, j'imagine que le couvert à l'intérieur est moins couvert. Ben, je sais pas où ils l'ont mis. Hein? Aucune idée. Il y a aussi une fonctionnalité de bidet avancé, avec séchoir intégré, télécommande et docking station sur le mur. Je sais pas ce que ça veut dire. Docking station sur le mur, mais en tout cas... C'est bien beau. 6 600$ pour cette toilette de Kohler. Et t'as dit qu'il y avait un bidet dedans? Oui. T'as-tu déjà essayé ça, un bidet? Jamais. Moi non plus. Ça a l'air le fun, hein? Ben, je sais pas. Ça doit être bizarre. Ça doit surprendre la première fois. Si je deviens riche, la première chose que je fais, c'est acheter un bidet. Chacun ses rêves. Ben ouais, faut viser bas, ben, comme par le milieu du corps. Moi. Ensuite, est-ce que tu serais du genre à prendre des photos, toi, avec ton iPad? Ben oui. Évidemment, si t'as payé aussi cher que ça pour un appareil, aussi bien s'en servir comme pour toutes les fonctionnalités que ça offre. Et bien, justement, si vous êtes pas déjà tanné de voir des gens tenir leur iPhone lors d'un concert, d'un match de sport, tu sais, devant toi, tu vois que les iPhones, tu peux pas regarder ce qui se passe dans sur la scène. Il faut que tu regardes les iPhones et la scène. Imaginez ceux qui ont des iPads, ça arrive. Et maintenant, ben, pour les encourager encore plus à faire ça, c'est des zooms pour iPad. Tu as le zoom 10 fois pour iPad et le zoom 12 fois pour l'iPad mini. Et donc, c'est ça, ça va vous donner un zoom pour prendre des photos de plus près. Et il y a aussi le mode vignette, un mode lo-fi, un peu à la Instagram là, pour les hipsters de ce monde. Ça coûte 25$. C'est un genre de gadget de plastique que tu insères par-dessus le haut de ton iPad et ça fait que t'as une lentille zoom. Je trouve ça cool. C'est pas pire. Oui, oui, parce que on s'entend que le zoom là-dessus, c'est assez minime. De basse qualité, donc un zoom bar. Mais il paraît que le iPhone prend de plus belles photos que l'iPad. Tout à fait. C'est pour ça qu'il devrait faire une lancée, selon moi. Oui, vrai, t'as un bon point. Je trouve ça quand même déplaisant lors d'un spectacle d'avoir des iPads dans la foule. Oui, mais il n'y a pas juste des spectacles à prendre en photo là, avec un iPhone et un iPad. C'est sûr, ça devrait juste être interdit. Bon. De toute façon, je me vois pas arriver avec mon iPad dans un spectacle. Voyons, je vais te le dire. Pour vrai, je veux dire, c'est gros. Oui. Déjà, j'ai juste un appareil photo puis je trouve ça désagréable de l'avoir sur moi. C'est ça. Bon. L'iPad, c'est fait pour ton salon. C'est vrai, ça. Bon. Si on passe au prochain, c'est un écran tactile élastique qui s'appelle Obaki, qu'on peut manipuler en 3D. Donc, oui, 3D, tout est en 3D de nos jours, là, mais au MIT Media Lab, Daria Dand et Rob Hemsley ont créé un écran tactile qui offre une autre dimension. Donc, c'est le Obaki et c'est un écran tactile, comme on dit, qui va révolutionner les écrans tactiles. Donc, c'est élastique, c'est étirable si on veut. C'est comme une genre de. C'est comme du caoutchouc si on veut. Donc, l'affichage reste en deux dimensions, mais tu peux manipuler ce qu'il y a à l'écran en trois dimensions en tirant et en poussant sur l'écran. Donc, le matériau étirable. C'est quand même le fun. Allez voir la vidéo, c'est un petit peu difficile à expliquer à la radio, là, mais les mouvements de profondeur sont mesurés par une caméra et l'écran va montrer, va refléter ce que tu viens de faire avec le caoutchouc, si on veut. Donc, je trouve ça cool. Je suis pas sûr que j'ai tout compris ce que ça faisait, là, mais c'est beau. Faudrait plus voir la vidéo, mais je sais même pas si en la regardant la vidéo. Non, je le regarde puis je comprends rien. Non, c'est ça. Mais tu tires et tu pousses et tu manipules. Mais ça, je comprends, mais je vois pas le but final de ça, on dirait. C'est ce genre d'innovation-là qui, pour l'instant, est seulement un concept de possibilité de montrer que ça se fait. Et plus tard, les applications vont peut-être vraiment plus servir à quelque chose. Pas genre, mais là, il fait des montagnes, là. Il fait des montagnes, il pourrait faire des petites vallées. Ain't no mountain high enough. Ouais. Je connais pas l'air, mais je sais. Ouais. Ouais. Des bonnes chansons comme ça qu'on entend dans nos bureaux. C'est le fun. Et à l'extérieur de nos bureaux, on jouera jamais ça dans nos bureaux. Ensuite, Drop the Beat, une veste avec une batterie intégrée, une batterie électronique, Stéphanie. C'est pas la première fois qu'on invente des vêtements qui imitent des instruments de musique, mais c'est la première fois qu'ils le font correctement. Donc, c'est des drum shirts. C'est donc, dans le fond, quelque chose qui va pas servir bien souvent pour vous. Là. Vous allez peut-être l'essayer une fois si vous avez la chance. Vous allez vous tanner assez rapidement. Donc, c'est un étudiant en design industriel, Wesley Chow, qui voulait créer un morceau de vêtement vraiment musical. Donc, ça s'appelle Drop the Beat. C'est donc une veste avec des pads qu'on peut bouger sur le vêtement. On peut les réarranger, les reprogrammer basé sur ses préférences musicales. Il dit qu'il a été inspiré par le film Home of the Brave, où il y a un concert qui se passe en 1986 où un musicien expérimental, Laurie Anderson, musicien en tout cas, performe une danse où il y a une note différente avec chacun des mouvements. Donc c'est un peu la même chose sur sa veste. Ça s'envoie en signal MIDI. Et donc tu peux taper ou même juste appuyer, toucher, frôler et ça va créer différentes musiques si on veut. Et si tout va bien, dans les prochaines secondes, si je m'étais prévu à l'avance, je l'aurais déjà de près. Et je pourrais vous faire entendre l'extrait. Est-ce que ça va faire comme hier dans une autre chronique? Ça a pris comme 2 minutes avant que je le trouve. Mais ça ressemble un peu à une veste par balle, je trouve. Ouais. Tu sais, si t'es policier, faut que tu fasses attention le matin, pas te tromper, mettre ça, puis finalement, tu meurs. Mais ça fait une belle toune quand tu meurs. C'est ça, c'est très, très épique quand tu meurs. Donc, on a l'extrait, on écoute cette veste musicale qui devrait partir là. On le voit. Ça en vient. Il marche. Il tape devant le micro. Bon, là, il tape sur son clavier, là. Prépare son affaire. Oh, là, du velcro. Oh, ben c'est des beaux morceaux de velcro quand même. Ça a l'air chic. Oui, velcro. Tout taché. Bon, donc là, il joue avec ses ongles sur le morceau. Il fait juste se toucher avec un ou deux doigts. Puis il fait aller ses doigts un par un, évidemment, sur les pads. Ça fonctionne avec GarageBand. Le il fait ciel vraiment sur ça le... tout sur... Il fait ça sur lui, là? Oui, tout sur lui. Il faut quand même du talent, là. Se toucher n'aura jamais été aussi plaisant. Et dérangeant. Ça dépend. Oh, chérie, tu te touches! Ah, regarde. Donc, c'est vraiment cool. C'est ça. C'est la best drop de beat qu'on écoute à l'instant. On dirait. Maintenant, parlons de cuillères. Tu sais, l'écologie et les choses comme ça qui font du bien à l'environnement, c'est toujours plaisant à entendre. Parce que les cuillères de plastique qu'on retrouve à la cafétéria, n'importe où, qu'on mange notre soupe avec, on la jette, ça a l'air de juste un petit morceau de plastique. Mais quand tout le monde fait ça, on se retrouve avec des centaines de millions de milliards. Ça se recycle pas? Non, ça prend combien de temps, tu penses, à se défaire, ça? Ouais, je sais pas. Non, mais si je te donne un chiffre, ça va juste être une hyperbole désagréable. Donc, c'est ça. Ça, je l'avais ici, ça prend 20 ans. 20 ans à se décomposer du plastique. Les petites cuillères de plastique, c'est ce que ça dit dans l'article ici. Ah ouais? Ouais, donc on a assez de cuillères dans les dépotoirs, hein? Et vous pouvez maintenant acheter des Eco Green. En fait, c'est des cuillères qui sont mangeables. C'est TryGoTree, la compagnie, qui a trouvé cette solution-là. C'est les Eco Spoon. C'est une croustille de maïs et d'autres ingrédients organiques, 100% biodégradables, 100% mangeables. Ça vient en deux variétés. T'as nature, si tu veux pas que ça affecte le goût de ta nourriture, ou encore sweet and spicy, genre aigre douce, pour compléter un peu votre saveur. Et ça, vous pouvez manger n'importe quoi, de la soupe là-dedans. J'en veux. Du chili, moi ça, aussi. Ça, vraiment, j'en veux. On se commande ça. Sweet and spicy, maison. On se commande ça tantôt, c'est clair. Génial, j'en veux 3000. Autre truc écologique que j'avais vu, c'était dans un petit café. Au lieu d'avoir des bâtonnets de plastique pour mélanger le café, c'était des linguini. C'était plus large que spaghetti. Ouais, c'était des pâtes plates et tu pouvais brosser ton café avec ça. Excellente idée. C'est du blé puis de la farine. Puis ça devient mou juste après un bout de temps, donc t'as pas de, ça va pas devenir mou pendant que tu brasses. Non, quand même pas. Floc. Ensuite, tiens, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une voiture téléguidée. Bon, on aime ça les voitures téléguidées, peu importe notre âge. Je pense qu'on peut tous s'entendre que c'est cool, une voiture téléguidée. Ben oui, même moi, je trouve ça cool. Bon, tu vois. Est-ce que c'est aussi cool que celle-ci, la Color Capturing RC Stunt Car? Si vous voulez décider la couleur de votre voiture téléguidée, faut aller au magasin d'habitude et choisir, je vais prendre une voiture téléguidée rouge. Et là, t'es pris avec une voiture téléguidée rouge à moins de commencer à la peinturer. La peindre, voilà. Donc, avec celle-ci, la Color Capture Car RC, c'est qu'elle a plusieurs couleurs. Et elle change de couleur en alignant le sensor avec un objet de la couleur que vous voulez. Vous appuyez sur le bouton scan, la lumière LED va changer et va montrer cette couleur-là. On dit que les couleurs pâles fonctionnent mieux. Vous pouvez avoir une voiture donc qui va être de la même couleur que votre chandail, votre mur, un jouet ou n'importe quoi d'autre. Vous pouvez voir la démo dans la vidéo que j'ai mis sur assemblagerequipe.com. Et non seulement est-ce qu'elle change de voiture, de couleur, cette voiture téléguidée-là, mais aussi elle fait des cascades de fou. Elle a un front axle qui tourne, qui vous permet de spinner, flopper, pop wheelies. Ça fait un terme que je comprends pas. Batterie rechargeable, vous la branchez et ça se recharge, c'est malade. Pas de piles. Comment? T'as pas besoin de changer les piles. Non, c'est parce que dans la vidéo, ça montrait plein de piles avec un gros X rouge. Comme une infopub. Exactement. Ouais, donc c'est ça, vous la branchez dans le mur. Un peu comme les consoles de jeux vidéo portables, t'as plus de batterie changeable. On se comprend dessus. On se comprend. C'est cool. C'est très, très cool. Ensuite, ça, c'est juste complètement inutile, mais on aime ça, des gadgets comme ça, des fois. Tu sais, quand c'est l'été, il y a des moustiques partout dans la maison. Tu veux les tuer. Tu veux les tuer, vraiment. Aucune délicatesse. Avec une délicatesse extrême. Mais tu veux le faire à la façon Batman des années 60-70. Oh! Hein, donc, vous avez besoin de ces Superhero Fly Swatters. Superhero Action Sound Fly Swatters. Pourquoi? Parce que ça émet des sons. Ah, pour vrai? Quand vous frappez, donc vous tapez et ça fait pow ou ça fait splat. C'est pas génial, ça? C'est cool à mort. C'est très, très cool. Sauver la journée, sauver la maisonnée avec ces super héros Action Sound Fly Swatters. Emballage de 2 pour 8,9$. Prix VIP sur prankplace.com. Il y en a deux. Il y en a deux. Fait qu'on peut l'acheter à deux. Oui. Avoir chacun notre splat power. On a déjà des affaires à acheter aujourd'hui. On va pouvoir manger notre soupe avec des cuillères en maïs. Puis après ça, taper des mouches. Yay! Ah, il y a une mouche dans ma soupe. Des fois, c'est des choses qui vont ensemble dans un restaurant. Mouche dans ma soupe. Ton téléphone cellulaire, Stéphanie, t'a coûté combien, tu penses? Hein? ton téléphone cellulaire t'a coûté combien? À moi? Oui. Ben, ça dépend. Avec le contrat, une fois par mois, cher. Ouais. Cher, c'est un prix qui est beaucoup plus élevé que 12 $ pour le prochain produit que je vous présente. Donc, si vous avez toujours envie des plus récents produits électroniques, vous savez que ça coûte très, très cher. Et vous pouvez vivre autrement. Vous pouvez changer de façon de vivre avec le Gunkai Phone. Vous pouvez être acheté au Mingtong Digital Mall de Shenzhen, en Chine. Ce téléphone cellulaire à 12 $ qui a le Bluetooth, un lecteur MP3, un affichage OLED, GSM Quad Band. Qu'est-ce qu'on veut de plus dans un téléphone cellulaire? C'est tant qu'à avoir un téléphone à 700 $ qui a à peu près les mêmes caractéristiques pour les gens qui ne font que téléphoner avec, qui n'ont pas besoin d'application, et tout ça. Il y a même un lecteur MP3 dans cet appareil-là. C'est vrai. Pas de vis. Donc, tout ça est comme snappé ensemble. Il y a presque pas de connecteur à l'intérieur. Tout, donc, de l'affichage jusqu'à la batterie est complètement soudé sur la plaquette. Là. Et si tu veux le mettre à l'éteindre, si on veut, donc il y a une switch qui va déconnecter complètement la batterie. Donc, la batterie qui n'a pas de protection, de circuit de protection additionnel. Donc, apparemment, les téléphones ont ça. Et l'antenne Bluetooth est rien de plus qu'un petit fil vraiment pas long. Donc, l'article sur assemblagerequis.com vous donne plus de détails. Mais en gros, là, si on le décrit visuellement, ça ressemble comme à une genre de... Il est laid! Hein? Une genre de brique verte. On dirait une... Je sais pas... Non, On dirait un jouet pour enfants, en plastique. Oui, ben, je vais dire un vieux Game Boy, mais ce serait pas gentil pour le vieux Game Boy. Non, tu sais, quand tu le twistes un peu, il fait... De oui. Plastique, là. Oui. Mais en tout cas, peut-être qu'avec ça, je me sentirais moins mal d'échapper mon téléphone par terre aux 10 minutes. Je sais pas s'il serait aussi solide en l'échappant à terre. Mais il a juste coûté 12 $. C'est vrai, t'en achètes un autre. Et carte SIM, tout est inclus là-dedans. Et puis, comme je disais, tu peux jouer de la musique aussi. Avec, j'imagine, une prise écouteur. Je penserais pas qu'il y ait de haut-parleurs après ça. Mais bon. Maintenant, on se lève tous le matin à des heures plus ou moins tardives. Ouais. Hein? Et le matin, qu'est-ce que tu veux avoir? Tu veux pas avoir à relever un défi. Tu sais, comme on parle souvent de réveil matin qui ont des choses à faire. Bon, il faut que tu résoutes un puzzle, une formule mathématique ou je sais pas trop quoi. Faut que tu ailles le chercher parce qu'il court tout seul. T'sais, on a couvert plein de choses. Juste mon ça. Cellulaire, je trouve ça difficile parce que faut pas que je fasse juste toucher l'écran sinon il ressonne. Faut que je glisse sur l'écran. Oh, André, là. la façon la plus facile de se réveiller, c'est évidemment d'appuyer sur snooze 10 fois et ensuite faire off sur l'alarme. Bon. Ici, on vous propose de virer votre cadran de bord. C'est le Lexon Flip Alarm Clock. C'est une alarme, mais dans le fond, un cadran qui fonctionne en le virant à l'envers. C'est pas compliqué, ben. Je pense que ça dit pas mal dans le nom. On se réveille et puis après ça, on vire le cadran de bord. C'est une genre de petite brique verte. C'est écrit « on » et « off ». Donc, il faut le mettre du côté « on » pour qu'il soit activé et « off » du côté « éteint ». Trois fois, je pense que je le dis, on le comprend. Hein? Mais est-ce que les chiffres changent de bord? L'heure, est-ce que change à switch? Bonne question. Je sais pas. Parce que ça donne rien d'avoir l'heure à l'envers. C'est une bonne question. 44 $, très bonne question. Vraiment, j'ose espérer qu'ils ont pensé à ça. Attends un peu, il y a un dessin. Est-ce que le dessin va... Est-ce qu'on peut voir? OK, gamin, attention. On reclique dessus. Come on. Est-ce que tu le vois, toi? Est-ce que t'as la page ouverte? Oui. OK, oui, les chiffres virent à l'envers, on le voit. Là. Quand il est à on, c'est écrit 7 $. Ça vire à off, puis c'est encore écrit 7 $. Oui. OK. Là, tu veux l'acheter, hein? Ouais, il est beau. Mais sans qu'il est beau, il y a un mauve en plus, hein? Il est très beau, le mauve. Il y a aussi... ça, un mauve? Il y a un mauve. Il y a un mauve. Clique sur le lien en bas de l'article. Donc, ça vous mène vers firebox.com et vous pouvez acheter le Flip Alarm Clock Flippin' Brilliant en bleu, en lime, en mauve ou en rouge pour 29 $. C'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment beau. Vraiment? Je pensais pas trouver ça beau de même. Le vert lime, je le trouvais bizarre. Oh! Hey! Génial. Rapidement, celui-là, c'est pas super, super intéressant, mais c'est une souris de Gigabyte. La Aivia Uranium. C'est une souris qui vient avec un écran LCD. Tu sais? Ben ouais. Donc, c'est un affichage intégré OLED qui vous montre, dans le fond, le chargement de la batterie. Ça vous montre aussi le paramètre de DPI, là, le dots per inch, la précision de la souris. Sa fréquence wireless sans fil. On peut personnaliser les macros, donc les mouvements qu'on fait avec la souris, les boutons et la mémoire intégrée à l'uranium. Et c'est ça, vous pouvez... qu'est-ce que ça dit ici? On dit 70 heures de wireless. Et je sais pas pourquoi tu aurais besoin d'un écran qui serait à part de ta souris. Pourquoi c'est pas écrit directement sa souris? Puis les gars, moi j'ai une souris à 30 $. Je vais pas investir là-dedans. Là. Ben non! Et on termine avec celui-là. Pourquoi pas? Je sais pas, je trouve qu'en vrai que j'ai comme choisi un article un petit peu plate pour terminer ici, mais c'est un pill dispenser qui vous empêche de mal utiliser vos médicaments. Parce que tu sais, les prescriptions, les personnes âgées, même les personnes pas âgées... Les gens qui essaient de se suicider. Oui, ça m'empêchait ça. Et bon point. Donc, on veut pas abuser justement de ces pilules-là. Les prendre à des intervalles incorrects ou prendre un mauvais dosage, c'est pas une bonne chose. Donc, c'est la MedVault Pill Dispenser, créée par un groupe d'étudiants de Brigham Young University. Dans le fond, c'est un genre de coffre-fort, si on veut, où vous mettez vos pilules et ça va vous les donner à la bonne heure et au dosage spécifique. Et c'est, on appelle ça tamper-proof, safe. Donc, on peut pas l'ouvrir facilement. C'est capable de vous donner n'importe quelle grosseur, grandeur de pilules. Vous êtes connecté à l'ordinateur via le port USB pour qu'un pharmacien autorisé puisse y accéder et charger les pilules dans le distributeur. Le logiciel est créé pour être utilisé par le pharmacien seulement, c'est ça. Donc, en fond, j'imagine que lui, tu l'amènes chez ton pharmacien, il met toutes les pilules dedans pour une durée de temps. Et après ça, par USB, par le site web, il va vous donner la prescription ou vous allez avoir le bon dosage au bon moment. C'est cool. C'est cool pareil. C'est plate, mais c'est cool. Mais c'est le fun aussi parce que moi, je suis du genre, je fais tout automatiquement. Donc, des fois, je prends mes médicaments et je me demande, est-ce que je les ai pris? Tout simplement parce que je le fais sans m'en rendre compte. Donc ouais. Là, tu peux pas te tromper. Non, et c'est en plus, il y en a qui pourraient se demander, tu sais, si mettons, t'as des enfants et que ta pilule tombe, puis l'enfant pogne le... Non, il faut que t'aies un code d'accès à chaque fois qu'une pilule tombe. Donc, ça va dire, bon, t'as besoin de prendre ta pilule maintenant, fais ton code, tac, tac, tac, tac, tac. Tu fasses un code d'accès? Un code d'accès, pour pas que les enfants puissent prendre ta pilule. Ouais, mais attends, là, si c'est pour les personnes âgées qui oublient de prendre leurs médicaments, ils vont oublier leur code d'accès? Huh. Ouais. Je te sens de même. Ben, c'est pas fou. En effet. C'est pas fou. C'est pour ça que c'est en phase de test en ce moment et que le brevet est en instance. Donc, c'est pas encore commercialement disponible, mais très, très bon point pour le mot de passe. Ouais. Bon, ben, coudonc. Ouais. Je suis moins convaincu, là. Bon, tu vois, soudainement, la chronique tombe à plat. Ouais. Oh. Ben non. Ben non. C'est voilà. Un beau projet. Ah, c'est ça, ça devrait répondre là. On fait ça toutes les semaines, les mercredis à 7h10 environ. Et on s'achète tout ça à 7h33 sur Internet. Par la commande, Steph. Oui, là, je magasine. Mon alarme. Là, t'as acheté ça à ton cart. Comment? T'as acheté ça à ton cart? Oui, exactement. C'est merveilleux. On prend une pause, on revient tout de suite avec la chronique Les Petits Bonheurs. On parle d'émission de jeunesse avec moi, avec Jean-Philippe Boutre-Tombe et toi. C'est cool. Philippe Paradis. C'est fou, les extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. On s'est démaquillé, on a mis du fort sous nos joues, on s'est éteint, déraciné, on a mis du soir sur nos joues, on s'est soumis, on a plié, on a mis le mort à nos bouches, on s'est pourri et baïonné, on a mis la mort. Un autre on a repris, puis dilué, on a troqué l'or pour les sous, on s'est fait saint, on s'est fait sacré, sans mettre nos corps sous les clous, on s'est fait pute et pour briller, on a Nouvelle pièce d'Alex Nevsky, on leur a fait croire. C'est un single. Position numéro 19 du palmarès francophone. On va la réentendre au palmarès C'est fou jeudi après-midi, mais on l'aime beaucoup. À date, une autre chanson que des parapapapapapapa. C'est populaire, c'est dans C'est papapapapa populaire. Parapa. Toujours avec Stéphanie Parapaparazzi et Mathieu Papapaplante. Hein? T'as mis des R, là. Prante. Prante. Non, j'ai roulé mon L. OK. C'est L roulé. Roulé. Tiens, Stéphanie Paradis, c'est le moment de ta chronique. Les petits bonheurs. Oh. Et donc, partons ton intro, hein? OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le bonheur est à la portée de tous. Mais rien ne dit dans la housse. Comment s'y prendre? Le bonheur est à la portée de tous. Même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois qu'un loser sans Rolex à ton bras. L'important c'est ton bras. Qu'importe que tu ne sois pas cet acteur banquier bol de cinéma. Le bonheur c'est pas ça. Stéphanie Paradis, c'est les petits bonheurs. Et aujourd'hui, on te laisse prendre congé parce que t'animes l'émission avec moi parce que Jean-Philippe n'est pas là. Ben, mon petit bonheur aujourd'hui, c'est de t'écouter parler encore plus. Ah, parce que j'ai pas parlé pendant une demi-heure, ça va? Mon petit bonheur, là, c'était de ne pas préparer de chronique hier. Oh, twist, j'aime ça, c'est une twist. J'aime bien. Jean-Philippe, comme on disait, Charbonneau n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais il nous a transmis des informations d'outre-tombe pendant son oral. En fait... Par télépathie. Ben, j'ai proposé à la base qu'on aille faire, nous, son oral, puis que lui vienne faire l'émission pour présenter ses émissions jeunesse préférées. Mais il y avait peur de couler. Il y avait peur. Aucune confiance en nous. Un grand stress. Donc, non, à la place, j'ai pris ses suggestions, j'ai pris mes suggestions et quelques choix communs d'émissions jeunesse, parce que Stéphanie, tu nous as présenté deux chroniques sur les émissions jeunesse jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu avais mis dans ta chronique déjà? Mon Dieu, j'avais Télépirate, j'avais La princesse astronaute, Les Zigotos, Les Intrépides. Maison de Whimsy. Oui, la maison de Whimsy. La rue Tabaga. Vite comme ça. C'est à peu près, il me semble. Enfant forme. Oui. C'est vrai. Gym Tonic, t'es pas là-dedans? Gym Tonic, là, c'était pour les ados à l'époque. Moi, j'étais beaucoup trop jeune. J'appelle ça Gym Tonic. C'est un jeu de mots sur le Gin Tonic. C'est pour les enfants. En tout cas. Alors, une émission de sport. En plus, c'est ça. Mais ça, on parlera pas de Radio Enfer. On aurait pu en parler très très longtemps, mais c'est trop connu. Pas de Dans une galaxie près de chez vous. Pas de Ramdam, dans mon cas, qui était l'émission de ma jeunesse. Ta jeunesse. J'étais vieux pas mal, je sais. Moi, ouais, c'est ça. Mais j'ai toujours été un petit peu en retard sur les émissions jeunesse, en fait. Un petit peu retardé. Merci. Merci. De rien. Donc, allons-y avec tes choix communs. Et évidemment, là, tu vas aller voir parce que t'es juste à côté de moi et t'as accès directement visuellement à l'écran. Donc, ce sera pas une grosse surprise, mais quand même, on y va avec la première émission commune entre Jean-Philippe et moi. Évidemment, ça, c'est l'intro de la saison avec Stéphane Crête. C'est pas la meilleure, là, on s'entend. Et Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay. Évidemment, le studio, ben, OK, commençons. Allons-y dans l'ordre des choses, là, comme des professionnels à la Stéphanie Paradis, comme elle le ferait si bien si c'était elle qui faisait cette chronique-là. Je parle d'elle comme si c'était pas là. Donc, le studio, évidemment, un magazine quotidien qui mélangeait sketch et entrevues. Première saison, la meilleure saison, clairement. Bruno était le seul animateur, c'était des chroniques à travers la programmation. Il était entouré de quelques collaborateurs, dont Guy Jodoin. C'était ma période préférée. Il n'y a aucun détail de plus que ça, mais moi, j'ai les yeux dans ma tête. Où on voyait à la fin de la journée Bruno Blanchette fermer le bouton de diffusion de Canal Famille à la fin de la journée. Ça m'a marqué, ça, c'est oh, clair. Oh mon Dieu! Pour vrai, là, c'est tellement flou. On dirait que toutes les émissions sont floues dans ma tête. Je moi me aussi. Rappelle c'était pas extrêmement... de ça. Ma jeunesse au complet est floue. Mais je me rappelle que c'était des petits sketchs devant public dans une grande salle. Mm-hmm. Vraiment très, très grande, avec un gros public. Ils sortaient dans la rue. C'était très, très musique plus comme approche, genre le plus sur commande, mais pour enfants, c'était vraiment très, très, très drôle, très bien fait. Évidemment, la plupart des sketchs qu'on retrouvait dans le studio de saison 1 ont été ramenés dans la saison 2. Et là, c'est Madame on gâche des séries. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Guylaine Tremblay, ben, pour moi, gâchait le studio. Pour moi, Sérieusement, je me serais vraiment, vraiment passé de Guylaine Tremblay à l'animation des entrevues de marde. Je pourrais pas te dire, j'ai vraiment aucun souvenir de son passage. Oh non, ça c'était triste. Guy et Bruno s'occupaient toujours des sketchs et vraiment étaient comme relégués à un genre de featuring. On dirait que c'était comme Guylaine Tremblay, l'émission Le Studio, c'était Guylaine Tremblay avec aussi en vedette Guylaine, Guy Jodoin et Bruno Blanchet. Moi, j'ai préféré Bruno à l'animation. Troisième et dernière saison, Bruno quitte la télé, l'écran, en fait, pour s'occuper des textes. Donc, il continuait d'écrire, mais il était plus devant la caméra. C'est vraiment, il est passé d'animateur principal à featuring à j'écris en arrière de la caméra. Dans son propre show. Donc, c'était autour de Stéphane Kreit, qui, lui, vraiment a ramené pas mal de fun à cette émission-là aussi. Et puis, c'est celui qui est devenu Capitaine Patineau plus tard, évidemment. Parmi les sketchs, on parle de Malibu Nanutuanun, avec genre de ralenti des gens qui courent sur la plage. Guy Jodoin. C'était drôle. Et oui, c'était très, très drôle. Le géant du château, toujours coup de cœur. Délire extérieur, où Bruno, Stéphane, Guy allaient dans des places publiques se moquer des gens. Là, évidemment, je suis en train de lire le texte là, sur Trésor.tv, donc je fais pas comme si c'était moi qui disais tout ça. Plein d'autres affaires. Qu'est-ce qu'il y avait comme monstre? OK, oui. Dynastie des Robinson. Ah oui. Le perdu. Le gars qui faisait son lavage. On se parle l'avance, Moi, je me. C'était-tu là-dedans, ça? Oui, ça devait être là-dedans. Le ça va mal. Oui, ben oui. Ça va mal. Oui, oui, ça, c'est des classiques, c'était tout à fait. C'était drôle, ça. C'était là. J'aimerais faire jouer les extraits de chacun de ces collections. En fait, j'aimerais ça baser une émission là-dessus, puis juste écouter des sketchs du studio. Ça serait pas mal meilleur qu'Assemblage Requis. Finalement, on skip Assemblage Requis, puis on écoute le studio. On laisse faire. C'est ça. Donc, là, j'ai le nombre d'épisodes qui me surprend quand même, et ça me surprend que quelqu'un se rappelle de ces informations-là. 120 épisodes pour la saison 1. Des épisodes de 14 minutes chacune. Donc, des petites émissions qui étaient diffusées entre la programmation. Moi, je me rappelais qu'il y en avait comme plusieurs entre différentes émissions. Dans la même soirée, je sais pas si c'était coupé en morceaux. Peut-être que 14 minutes, c'est vraiment... Ils tapaient en 14 minutes puis ils rediffusaient, tu sais, à travers la programmation des 3-4 minutes. Ça devait être des courtes émissions de 14, mais ils devaient en mettre plusieurs à la suite de l'autre. Je sais pas. Hein? Bref, il me semble que c'était beaucoup plus court que ça. Saison 2, 80 épisodes de 28 minutes chacune. Et saison 3, un autre 80 épisodes. Donc, pour vrai, je pensais qu'il y en avait plus que ça dans les saisons 2 et 3 parce que c'était une émission qui était diffusée pendant un bout à tous les jours. Mais je pense que c'était l'été. C'est diffusé à tous les jours. Je crois que c'était une fois par semaine au départ, originalement, puis après ça, pendant l'été, on est repassé. Donc, il y a la famille de 98, de 95 à 98. Et surprenamment, et je viens juste de m'en rappeler parce que je me rappelle avoir vu la publicité à l'été 2001 sur Vrac TV. Le studio avait joué en reprise. C'est le dernier été de. Parce que Vrac TV, il fallait que j'aille voir la page Wikipédia pour savoir la date, mais il me 2001. Semble que c'était. Ouais, c'est ça, 2001. J'ai dit 2011, hein, je pense, tantôt. Mais 2001. Il me semble que c'était à l'hiver que ça avait commencé à s'appeler Vrac TV. Janvier. Carrément, le 1er janvier, je pense. Donc, ça s'appelait Vrac TV, mais il y avait encore beaucoup de restants de Canal Famille pendant un petit bout de temps. Comme dans une galaxie près de chez vous, je sais que ça avait continué là-dessus. Exactement. Donc, le studio, vraiment, pour moi, un grand souvenir, surtout la saison 1. Je vénérais complètement cette émission-là. Ensuite, et là, on a comme 12 000 choix à faire dans la chronique d'aujourd'hui. Donc, ça va être long. Allons-y tout de suite avec la deuxième émission qu'on écoute, dont on écoute l'intro dans les prochaines secondes à venir. Ça date de 1994. S'il vous plaît. Hein? Oh, ça c'est rock! Il y a des acteurs dans les sièges qui sont devenus un petit peu plus populaires, donc ils sont passés inaperçus. Est-ce que j'ai vu Petit Yann Englund? Oui, t'as vu Petit Yann Englund. Oh! Et moi, Joanne McKay. Hein? Joanne McKay. Elle est passée à d'autres choses, j'imagine, mais je l'aimais bien dans le temps, moi. Les autres, on s'en rappelle plus partout. Pas en tout. Donc, Les Débrouillards, un magazine de science pour les jeunes de 9 à 13 ans, né au Québec sous le nom de Je me petit débrouille, journal du club des petits débrouillards, puis ensuite connu sous le nom des petits débrouillards. Donc, il porte le nom des débrouillards depuis janvier 92, c'est pour le magazine. Et ensuite, ça a inspiré une émission de télé, émission populaire de 90 à 95, puis de 96 à 97 et de 98 à 2003, respectivement sur Radio-Canada, ensuite Canal Famille et qui est devenu Vrac TV. Ensuite, TV5, Télé-Québec et TFO. Non. Parce qu'il y a eu plusieurs versions des débrouillards. Pas toutes bonnes. Les meilleures versions, c'était la première, avec Marie-Soleil Touga. Celle dont on vient d'entendre l'intro. Donc, Grégory Charles et Marie-Soleil Touga de 97 à 95 et 96 à 97. Ça touchait la science, évidemment. On sait tous ce qui s'est passé avec Marie-Soleil. En août 97, Grégory Charles a animé avec Karine Vanasse. pour ceux qui se rappellent pas. 98 à 2009. Oui. Hey, je l'aimais pas. Hein. Non, je l'aimais. Oui, moi, bien, très bien. Ouais, physiquement, oui, physiquement, mais sinon, je l'aimais pas. Je l'aime toujours pas. Elle est un peu à l'air au-dessus des affaires, pas mal, hein? En tout cas. Alors, un petit peu fendant, hein? Ouais. Donc, OK, allons-y avec le tour des chroniqueurs qui sont devenus vedettes, hein? OK, on y va avec ça. Kate Vallas, on l'a dit. Guy Jodoin était comédien dans cette émission-là. Hein? Sébastien Touga, frère de l'autre, hein, c'est ça? Frère? Ah, je ben... Ah, okay. Oh, oui, je sais qui. Mm-hmm. Vincent Bolduc, ça, je m'en rappelle ben pas. Ah, ben oui. Yann Anglen, comme t'as dit, Joanne Mekie, yeah. Et Fanny Lauzier, elle aussi, je l'adorais. Ah, pour vrai? Tu sais? Fait que, ça, j'aimais ça, moi. OK, ça rappelle plein de bons souvenirs. Yeah. Donc voilà pour les débrouillards. On passe au prochain et on reste un petit peu dans le même domaine magazine. On vous laisse deviner la prochaine intro. Attention. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Sur la piste. Hein, est-ce que tu te rappelles sur la piste? Oui, puis j'aimais pas ça. Mais je pense, que c'est seulement parce que j'étais un petit peu trop jeune pour ça. Et que je pense que ça remonte à loin que je n'aime pas Guillaume le Métivier. Ah, ça se peut très bien. Je te comprends là-dessus. Je serais pas sur Jessica Barker non plus. Mais moi, je l'aimais beaucoup dans les Intrépides, donc ouais. C'est tout. Je la tolérais dans les Intrépides. Ah. Donc, certains comparent la série au débrouillard, mais... pas sûr que c'est aussi scientifique que ça. Sur la piste, était une émission informative, pas mal moins scientifique. L'émission était animée par trois jeunes comédiens, bon, donc Jessica Barker, Guillaume Lemaitre-Vierge et Vincent Bolduc, divisé en plusieurs petites capsules, donc reportage, sketch et puis petite capsule. En plusieurs petites capsules, dont des petites capsules, c'est très bien écrit. Chaque épisode traitait un thème en particulier. Le reportage était entrecoupé par des petites capsules et des sketchs humoristiques. Est-ce qu'il y avait des petites capsules dans l'émission? T'as peu, je me le demande. Sketch humoristique tel que Mécanique 101 avec M. Aubry et ses élèves, ou le sketch du garage avec l'extraterrestre Changement d'huile. À la fin de l'émission, les animateurs donnaient des t-shirts de sur la piste aux jeunes invités dans le studio. Trois saisons, 92 épisodes de 27 minutes chacune. Ils faisaient des longues émissions à Canal Famille dans le temps. Et moi, j'aimais ça, c'est bon. Ben oui. Très bon. Ensuite, est-ce qu'on y va avec une autre intro? Et là, on passe malencontreusement comme ça au choix de Jean-Philippe. Donc, des émissions que moi, des émissions que moi je connais un petit peu moins. Mais je me rappelle les avoir écoutées, dont celle-là, entre autres. Que voici. Ah oui. Je comprenais rien aux paroles. Ça, c'est quoi qui vient de dire? Oh mon Dieu, je m'en rappelle comme si c'était hier. Moi aussi. Écoute, à la fin, là, quand, dans le fond, ils construisent un gros logo de Tom et Jerry. Tu sais, ils descendent comme le morceau du dessus. Et quand j'étais petite et je me suis encore posé la question, je me demandais comment ils vont faire pour enlever les cordes en dessous du logo qui viennent d'à côté sur le dessus. Hey, t'étais vraiment trop logique dans le temps, toi. Dans tout cas, je regardais ça, j'étais comme, mais là, les cordes, comment ils vont les enlever? Je me demandais à chaque fois, je me le demande encore. Ben non, t'as bien raison. Ce qui m'a surpris, c'est que cette version de cette chanson-là n'a jamais été traduite en français. Ça a toujours été en anglais. Ben non. Mais l'émission s'appelait Tom et Jerry, genre, mais c'est Tom and Jerry Kids en anglais. Donc, Tom et Jerry amusaient les enfants depuis plus d'une génération. On peut mettre dans, là, le texte est écrit au présent. Parce que ça joue, faut dire, à Télétoon Rétro en ce moment. Donc, c'est plus, plus caché. Mais j'ai pas Télétoon Rétro. Ben, va falloir, parce que c'est bon. Donc, voyez maintenant les bêtises hilarantes qu'ils ont commises bien avant de devenir grands, alors qu'ils n'étaient qu'un chaton joueur et une petite souris rusée. Oh. Les amis bien connus du duo tels que Droopy et Dripple, ainsi que Tyke, font également partie de la distribution de Tom and Jerry Kids, diffusée donc à Télétoon Rétro. Ça joue partout. Ça, il me semble, c'est un canal famille, ça. Je pense que oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah, tu sais, on y va tout de suite avec un autre dessin animé. Je pense que Jean-Philippe nous montre son côté dessin animé quand il était jeune. Donc, prochain générique maintenant. Pipe et Hercule, pipe ont la formule pour être des copains. Ah, ça, ça me ramène. Dans une île au trésor ou sous un réverbère qui soulève un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Au pin c'est Hercule, de drôles de rigolos qui démantibulent les fusées des pianos en tournant tout autour de la terre. Mettre le monde à l'envers. Est-ce que vous voyagez sur, partout sur la Terre? Aucun souvenir. On la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Ça, tu vois, je me rappelle pas de l'avoir écouté tant que ça. Je sais que je l'ai écouté, je m'en rappelle pas de l'avoir écouté, mais je sais que je l'ai fait. Mais l'introduction, le générique de l'émission, vraiment me ramène complètement. Exactement, pour vrai, je regardais l'intro, j'étais comme, wow, ça, je m'en rappelais pas du tout, mais en le regardant, ça faisait juste comme tout ramener ce que j'avais déjà vu. Mais moi, ce que je faisais souvent, j'écoutais les intros, puis après ça, ben, je fermais la télé parce que j'aimais pas l'émission, mais je regardais les intros. Tu m'amènes un excellent point. À la fin de la journée, je crois que c'était 19h avant que Super Écran 2, genre, embarque, là, tu sais. Pour vrai. Et ils jouaient pendant un bon bout de temps l'horaire, la programmation de Canal Famille, jour par jour, et avec toutes les introductions, les génériques d'émissions derrière. Donc, t'entendais sur la piste, Télépirate, tu sais, ouais, des émissions qui étaient dans la même année. Hein. Et puis Fercule. Donc, c'était vraiment, moi, j'adorais rester à l'écoute jusqu'à la toute fin. Ben oui. Quand Bruno, mon année, préféré, Bruno fermait la station. Je comprends pas que ça a arrêté, mais en tout cas. Et après ça, les chansons embarquaient. Waouh! Wow. Quelle bonne idée! Il devrait encore fermer la station. Il la ferme pas. Hein? Il la ferme, il me semble encore. Mais ils font juste rien diffuser, je pense. Non? Non, je sais pas. D'après moi, ça finit comme à minuit maintenant. J'ai aucune idée. Pour vrai, j'ai aucune idée. Faudrait aller voir. Ah, le vrai que t'es vrai. Bah. Mais non, pour vrai. Non, il y a rien. C'est juste des émissions américaines, là. Puis c'est super plate. C'est pour ados prépubères. Hein. Tellement. Est-ce que t'as écouté La Part du cinquième? De quoi? Leur nouvel genre de sitcom dramatique. Ben non. Non, c'est pas super. Biff et Hercule est une série télévisée d'animation française créée en 1989. Tu vois, je savais pas que c'était français. Série qui est l'adaptation d'une bande dessinée d'aventure de Piff le chien et Hercule le chat. S'il y en a deux qui s'entendent comme chien et chat, c'est bien Piff et Hercule, Carlis, que c'était écrit petit. J'avais grossi mon texte tantôt, mais bon. Piff, chien malicieux et sympathique, est en totale opposition avec son compère, le chat Hercule, bagarreur, roublard et un peu voyou, et dont il doit régulièrement tempérer les nombreuses gaffes. Ensemble, sans cesse à se chamailler pour pas grand-chose, ils vivent des tas de drôles d'aventures, entourés d'une ribambelle de personnages amis ou ennemis, à l'instar de gros talents, gros choux encore farfouille, et les trois voleurs, Cicéron, Buzard et Gorille. Hey, tu me parles de confrontation chat et chien. Confrontation. Confrontation. Est-ce que tu te rappelles de l'émission Micha Michien? Oui, avec un animal avec les chien d'un bord, chat de l'autre. Moi, c'est ça. Comment qu'il fait caca. Oui. Ben, c'est ça. Je viens de repenser à ça puis je trouvais ça un peu bizarre comme concept. Qui a pensé à ça? Qu'est-ce qu'il a consommé? C'est ça, c'est de la drogue. Prochain choix de Jean-Philippe, c'est toujours en passant les petits bonheurs de Stéphanie Paradis, sauf que c'est moi et Jean-Philippe, et Jean-Philippe n'est pas là. C'est comme c'est vraiment n'importe quoi. C'est moi qui prends le rôle de Stéphanie et de Jean-Philippe aujourd'hui. C'était votre proposition. Oui, ben, et une chance, parce que c'était bon en tabarnouche jusqu'à maintenant. Ah oui. Donc, continuons avec le prochain choix de Jean-Philippe, et c'est une autre longue intro. Je viens du réseau et veille sur les systèmes, les peuples et les cités de ce lieu. L'unité centrale. Oh, j'aime ça. Stéphane Tripp. Gardien, c'est mon programme. Je dois restaurer et défendre. Défendre mes nouveaux amis, leurs espoirs et leurs rêves. Les défendre contre leurs ennemis. Épique. Ah, oui, j'ai des frissons. Moi aussi, c'est bizarrement. J'ai pas tant écouté que ça, on dirait, mais j'ai des frissons aussi. J'ai peut-être baissé le chauffage. Ouais. On raconte que l'utilisateur vit hors du réseau et qu'il y introduit des jeux pour son plaisir. Personne n'en est sûr. Mais moi, j'entends bien le découvrir. Programme! Donc ça, c'est la version québécoise, évidemment, qui s'appelait Megabug. En France, la série s'appelle Reboot. Reboot. Ouais, comme en anglais. Comme en anglais, exactement. Donc, on est les seuls, les Québécois, à avoir le titre Megabug. Série télévisée canadienne en images de synthèse 3D créée en 94. Aux États-Unis, la série a été diffusée sur ABC, puis sur Cluster Television, je sais pas ce que c'est. Puis sur Cartoon Network, dans la nouvelle version de 99 à 2001. Au Canada, c'était sur YTV à partir de 1994. D'ailleurs, le logo de YTV apparaissait en bas de l'écran, même dans le générique francophone. Super. Depuis 2008, tu seras heureuse de savoir, et ça t'incitera peut-être à prendre le câble, qu'il est rediffusé sur Télétoon Rétro aussi. Hein? Pour c'est vrai? Au Québec, la série a été diffusée en français sur Canal Famille de 95 à 2001 et ensuite sur VRAC TV de 2001 à 2002. Et puis, en France, c'était diffusé dans l'émission La planète de Donkey Kong. J'aimerais savoir ça, moi, là, au Québec, La planète de Donkey Kong. Ah, c'est cool. L'histoire se passe à l'intérieur de l'ordinateur. Bob est un gardien qui se charge de maintenir la sécurité du système mainframe dans lequel se trouve un virus du nom de Megabyte. En français, j'ai aucune idée des termes. Megabug, j'imagine, pour quelque chose là-dedans? Megabyte? Non, je pense que c'était Megabyte. Sûrement que le doublage était français. Hein. Oui. J'en ai aucune idée. Ce dernier cherche à tout prix à rejoindre le superordinateur, un autre système bien plus puissant dont Bob est originaire, afin de l'infecter. Bob a également des alliés en la présence de Dot Matrix, une jeune femme qui dirige une bonne partie du système et qui est à la tête du restaurant Dot's Diner. T'as aussi Enzo, son petit frère. Enzo. Le chien Frisket et Fong, le vieux sage. Donc voilà, c'est Reboot ou Megabug. Ça dit le Québec. Bon. Titre original Reboot, titre français Reboot, titre québécois Megabug, puis ensuite Reboot lors de l'abandon du doublage québécois. Hein? Ah, c'est chic, hein? D'accord. C'est très chic. Pour ça que la nouvelle version, la nouvelle génération, c'était comment quand ils sont plus vieux? Pis ben oui. Pas plus vieux dans le sens de c'est nuageux puis ils tombent de la pluie là, mais moins jeune. Il y avait aussi la méchante hexadécimale, oui, qui changeait toujours de visage comme un masque. Là, je trouvais ça fascinant. Tout à fait. J'aimais ça. On dépasse déjà. On y va avec les miennes. Oui. Rapidement, les miennes commencent par celle-ci que j'aimais beaucoup. Attention. Là, on n'est pas sûr. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bien peur, hein? Vraiment. C'était un genre de chair de poule en meilleur, je trouvais. Parce que chair de poule, j'aimais beaucoup chair de poule aussi, mais je tripais pas autant. Marshall et Simon, donc Erie Indiana en anglais, série en 19 épisodes. 19 épisodes, imagine! Une série comme celle-là qui a duré seulement 19... Mais on les connaît tous par cœur, ça. L'épisode avec les plats Tupperware. Ben oui, plein. Ben oui. Diffusé entre le 15 septembre 91 et le 12 avril 92 sur NBC aux États-Unis. Au Québec, c'était diffusé sur Canal Famille, évidemment. On comprend ça. La petite ville d'Erie, 16 661 habitants. Donc, c'est 6 avec des 1 sur le bas. Et le théâtre... T'avais jamais remarqué, hein? Ben non. Et le théâtre de phénomènes étranges remarqué seulement par deux adolescents, Marshall et Simon. Un épisode comportant une histoire de pirate n'a jamais été filmé, bien qu'un script ait été produit. Oh. Intéressant. Savais-tu que Jason Marsden avait joué dans cette série-là? C'est qui? T'as peur à moi que je me trompe avec un autre acteur qui porte un nom similaire. Ouais, je crois que c'était un autre acteur. Je pensais que c'était un nom. Peu importe. Tobey Maguire est celui qu'on cherche. Ah, d'accord. Qui jouait dans son... On connaît ça, c'est Spider-Man? Spider-Man. Tobey Maguire. Spider-Man. Bon, super. Ensuite, j'ai pas le générique de la prochaine, mais Génération W dans mes choix. Mais seulement saison 1. Génération W, émission qui permettait de découvrir l'univers du multimédia et du cyberespace aux jeunes de 9 à 14 ans. Le monde du multimédia est en constante évolution, disait-il, et Génération W permettait aux jeunes de le découvrir, de l'exploiter et d'apprendre dans le plaisir. C'est animé par Élise Marquis, un magazine hebdomadaire, accompagné de 3 chroniqueurs. Les 3 chroniqueurs, d'ailleurs, j'ai pas les... Est-ce que j'ai les noms? J'ai pas les noms, malheureusement, mais il y a la fille qui a fini dans La Revanche des Nerds et le gars qui est asteur à Musique Plus. Ah, Nicolette Titley était là-dedans, okay, la première okay. saison. Mais ben, quand même, je me souviens seulement de la version avec Stéphane Crête. Ben, c'est ça, justement. Ça a mal tourné. Là. C'est un magazine technologique, des reportages, des ateliers mettant en vedette des jeunes qui parlait de technologie. C'était vraiment une émission d'apprentissage. Saison 2 en 98 avec Stéphane Crête. Nouveau décor. Et là, c'est devenu un LAN party à la TV. Mais c'était donc, un quiz? Ben, un quiz LAN party, oui. Oui, un quiz et on joue à des jeux vidéo. On joue à des jeux vidéo. Donc, on jouait à PlayStation, Nintendo 64 ou PC. On jouait à Diddy Kong Racing, Buster Move. Il y avait une ronde, comme tu disais, de quiz. 3 rondes de jeu. 2 premières rondes jouées sur des jeux populaires, sur des plateformes comme on a mentionné. Et la 3e ronde, c'était 4 questions quiz rapides. Donc vraiment, c'était pas basé sur le modèle quiz, mais ça finissait par un quiz. Les équipes gagnantes étaient réinvitées pour un genre de tournoi éliminatoire. Il y a évidemment une édition spéciale mettant en vedette les vedettes de Canal Famille. Je l'ai regardé quelques fois, mais je comprenais absolument rien. Ouais. Je pense que j'étais trop jeune. Ouais. 104 épisodes de 28 minutes. Je sais pas. La première saison est la seule qui compte pour moi parce que il aurait dû renommer ça pour moi. On y va avec. Est-ce que c'est ma dernière? Je pense que ça va être mon avant-dernière. Allez, les autres seront des brèves, OK? Les autres, je ne ferai même pas l'historique, je pense, dessus. Non, allons-y avec, avec celle-ci. Tiens, moi, en tout cas, j'aimais bien ça. En français. Évidemment, émission plus pour filles, donc tu devrais connaître ça plus que moi. L'intro me dit quelque chose, mais pour vrai, je sais pas c'est quoi. Ça a joué tellement longtemps en reprise à chaque année. L'émission est pas si longue que ça, mais c'est les quoi, reprises en français? Les premières fois. Non, pour vrai, ça non, j'ai pas écouté ça. Donc, en anglais, Ready or Not, série dramatique canadienne pour adolescents, diffusée sur Showtime et ensuite sur Disney Channel et Global Television au Canada et aux États-Unis. Voilà. Donc, l'émission qui suit les adolescentes Amanda Zim, jouée par Laura Bertram, et Elizabeth Busy. Ah, Busy! Busy! Ramone, qui, évidemment, vivent une vie d'adolescente des plus normales, des histoires de brassières, des choses comme ça. Ouais. Mais, moi, je trouvais ça cool, puis je trouvais ça bien écrit à l'époque. Tu sais, moi, toujours été très analytique en termes de télévision, et j'aimais les émissions bien écrites. Là. Je devais être trop jeune encore. Je sais pas. C'est ça. Donc, très bonne émission. Qui était filmé, entre autres, en Colombie-Britannique. Donc, je ne savais pas que c'était canadien, parce que quand on écoute des séries au Québec, que ce soit de Suède, de Grande-Bretagne ou des États-Unis, on ne sait pas. Ça. C'est toute la même chose pour nous. Là. Voilà, moi, je ne le savais pas. La prochaine, tiens, va te rappeler aussi des souvenirs, j'imagine. Celle-là, en tout cas, je ne sais pas. Juste le début. Croqué, moi ça, aiguisé bien vos quenottes, goûté. Moi ça, c'est la musique de croque-notte, croque-notte, croque-notte, croque-notte, croque-notte, c'est la musique qui croque, qui croque, qui croque, qui croque-notte. Compositeur Jacques Lussier. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Grand compositeur d'indicatif d'émissions de télé. Pour la petite biographie, là, c'est vraiment juste un dessin animé qui tourne autour du monde de la musique, finalement. Un sujet qui a rapport avec cet art dans la vie de tous les jours. Le ton placé sous l'étoile de l'humour et de l'absurde. Voilà. Donc, notre show. Wow! Hey, je connais l'intro, mais j'ai aucune idée c'est quoi l'émission. Il semble que c'est à Radio-Canada que ça jouait ça, non? Ou peut-être à Musique Plus. Okay. Mais je me rappelle beaucoup plus des émissions entre les émissions que les émissions elles-mêmes, on dirait. Tu sais, les Olympiques. Oui, oui. C'était ben cool, oui. Ça aussi. Oui. Pour vrai, j'aurais pu vous faire jouer plein d'affaires. Et je vais terminer avec une mention spéciale comme ça pour la pire émission jeunesse que moi, j'ai jamais eu la chance d'écouter. À chaque fois que ça jouait, je trouvais ça mais tellement, tellement plate. Pendant les grands saut, tout. Est-ce que tu te rappelles d'avoir eu à vivre ça? Mais mon Dieu, la toune me donne plus le goût de mourir. C'est le vent dans les saules. Une taupe, une grenouille. Voyons, on dirait les belles histoires des... Ben oui, ça, non, mais ça, c'était vraiment la pire chose que tu pouvais diffuser. Je sais pas combien de temps ça a été diffusé, je sais pas si c'est... C'est même pas du contenu canadien, donc tu sais, j'aurais pu comprendre si c'était pour ça qu'il avait diffusé. The Wind and the Willows, c'est basé sur un film basé sur un roman de 1882. Et la même compagnie qui fait... Oh, pardon. Les motos peuvent... Oui, les motos, oui, merci, les motos, oui, je connais ça, là, mais pas besoin de ta pub, là. Donc, c'est le vent dans les saules, The Wind and the Willows, la série télé de 52 épisodes... C'était mon hommage à la pire émission pour moi. Wow! Et Jean-Philippe voulait que je termine cette chronique-là avec un dernier petit clip que j'ai pas préchargé. Attends, j'ai pas une autre pub de mots de don, moi, là. Hein? Moi, l'émission qui me rendait folle à chaque fois que ça commençait, parce que je détestais ça, c'était Maya l'abeille. OK. Pour vrai, je sais pas, c'est peut-être la toune de l'intro qui ça me dérangeait. Aujourd'hui, je trouve ça bon comme intro, ouais. Mais à l'époque... Nathalie Simard au Québec, hein, mais pas en France. Hein? C'est Nathalie Simard qui chantait l'intro de Maya l'abeille au Québec, non? Ah mon Dieu, ça se peut. Oui. Ça se peut. Oui. Donc voilà, on va terminer. On va terminer la chronique ici. On va après ça faire jouer la petite indicative de fermeture de Canal Famille, ça tente. Ben oui, bonne idée. Donc merci Steph. Hey, mais merci d'avoir embarqué dans le jeu des émissions jeunesse. Ça me fait plaisir d'avoir entendu quelles étaient vos préférences. Je pensais qu'on t'en sortirait 3, 4, 5, mais finalement, on t'en a sorti une douzaine. Hey, mais c'est parfait. Ouais, on a pris le même temps que toi avec 4. Ça, parce que moi, je l'avais préparé avant. La mienne était aussi détaillée. Je te dirais. En tout cas, Megavox, je suis vraiment contente d'avoir vu ça. Heureux que Jean-Philippe et moi t'ayons fait plaisir, parce qu'évidemment, c'était pas que moi, c'était Jean-Philippe. Je ne faisais que lire les choses, trouver les choses. Mais merci Jean-Philippe pour Megabug. Merci beaucoup. On retrouve les petits bonheurs. Quand? Ben, la semaine prochaine. La semaine prochaine? Je vais être là. Pas de zone campus, c'est fini cette affaire-là? C'est fini zone campus. Oh, maintenant, je suis givrée de tout bord, tout côté. Le côté fibreux est passé avec l'eau du, lait. C'est ça, il est passé aux toilettes. Donc voilà, les petits bonheurs, la semaine prochaine, mercredi à 7h30. Et puis, ben, comme faisait Canal Famille en 1997, on ferme la station, hein? Moi, je me rappelle de jamais avoir entendu ça. J'ai jamais entendu ce thème de fermeture-là, mais c'est ce que j'ai trouvé en cherchant thème de fermeture. Ouais. C'est la fin d'Assemblage requis pour cette première heure. On se retrouve tantôt avec la collègue de David Ferron, La langue dans ton oreille. Aujourd'hui, on lui a donné un thème, toi et moi, parce que c'est nous qui animons ensemble Stéphanie Paradis. Enfin, on lui a donné trois chansons et il va nous trouver un thème. Autour de ce qui se rattache à tout ça. Ça va être bonne chance. Alors, on aura aussi Kinky Sexy Time dans la deuxième heure. Reste là. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 24 avril 2013. Elle est Stéphanie Paradis en remplacement de Jean-Philippe Charbonneau. OK, oui. Et moi, là-dedans? Mathieu Plante. OK. Je pensais que tu penserais plus à moi que ça. Ben, excuse-moi, là, mais on dirait que ça a joué dans mes écouteurs puis je ne m'entends plus partout. C'est la faute de Dany Janvier, comme toujours. C'est de ma faute. Dany Janvier. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, je m'entends pas touché plus. J'ai pas touché tes écouteurs. C'est jamais clair si c'est le bouton de droite de la prise ou le bouton à gauche qui contrôle. Donc, Dany Janvier du Dîner de Con qui est avec nous pour participer à l'émission, parce qu'on parlait d'émission jeunesse tantôt. Et Dany, je pense que toi aussi, t'en as des émissions jeunesse. Là, j'ai pas les intros préparées tout ça, mais non. On va se fier à ta bonne... Ben là où tantôt, j'allais dans ton sens par rapport au vent d'anglais Grand Soul. C'est vraiment une émission pour se suicider. Non, mais il y avait rien de ludique et de divertissant là-dedans. Aucune valeur éducative. Non, je sais pas, c'est peut-être une émission pour enfants, mais dans le fond, qui était dédiée pour la gérontologie. Genre pour les maisons de vieux. C'est ça, c'est parce qu'on dirait que c'était ça. Tu sais, il y avait une taupe à moitié le dos tout voûté. Puis c'était genre la première émission le matin où, genre, je sais pas si c'était. Je sais pas, on dirait que ça jouait tout le temps. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand tu l'écoutais à la télé, on dirait que ça jouait tout le temps. Mais toi, mettons personnellement, ce que t'aimais là, comme émission jeunesse. Comme émission jeunesse, ben, tantôt, j'ai dit, je me suis beaucoup fié à vos petites intros que vous avez mis. Il y avait Tom et Jerry, mais les vrais Tom et Jerry. Oui, l'original. Ouais, sinon, ben, moi, quand j'étais jeune, c'était les Transformers, les G.I. Joe. Mm-hmm. Ça, je me rappelle pas. Mes sœurs écoutaient beaucoup Barbie. Pas Barbie, comment elle s'appelait? Candy. Candy. Au pays de Candy, ça vous dirait? Non, pas tout, moi, ça. Candy, Minifée. Non. Minifée? Oui, Minifée. Je connais pas ça, Minifée. On ne s'ennuie jamais. Ah, c'est bon. Que c'est pratique d'avoir On dirait que je suis la seule sur la planète qui se souvient pas de Minifée. Minifée avec ses trois frères, il y avait des têtes de bin, genre. Des têtes de bine. Ouais, pour vrai, il y avait vraiment des têtes de bine. Trois frères, c'était comme des triplets. Tu sais, trois petits... Quoi, t'as-tu minifé? Ça, c'est les débuts des mangas, là. Avec Candy aussi, c'était un manga. Ça fait très Sailor Moon comme dessin. Magique. On en fait pas le temps. Minifé. C'est bien, je connais pas. C'est la version du minute 10. Ok, c'est pas le petit générique de base, c'est la version sur l'album, genre. Je sais pas, mais j'ai pourtant les images et le texte en japonais. Non, c'est la vraie. C'est malade, mais il fait. Ouais. On aime ça. Mais sinon, ben c'est ça, il y avait beaucoup de trucs très déprimants, là, des méthanes. Je sais pas si ça me dit quoi, c'était une petite grenouille, ouais. Ça, c'était très triste. Puis le méchant dans le... Tu sais, mais des méthanes, c'était une petite grenouille. Et le méchant dans l'émission, c'était une barbotte, genre, dans, une, dans un étang. Il y avait de l'imagination, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui était vraiment excellent, puis j'ai retrouvé ça cette semaine sur Internet, là. Je connais pas. Pour ne pas nommer Torrent 41. Joe et les abeilles. Hein? Ah ça, mais même mes amis de mon âge, je savais même pas c'était quoi. Okay. Mais moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'était l'histoire d'un petit gars qui voit, à un moment donné, des petits voyous en train de frapper sur une ruche. Puis là, il va les défendre, puis il dit « Arrêtez de les écœurer. » Puis là, ben, il y a une des abeilles qui vient le piquer. Puis là, il dit « Hey, je vous aidais. » Puis le petit bonhomme, il devient petit. Puis il peut rentrer dans la ruche, puis il devient ami avec les abeilles. Et puis, il les aide à se défendre contre les méchantes guêpes qui sont les méchants. Puis la musique est excellente, en plus. Je me rappelle une autre émission où les gens rapetissaient dans une valise, genre... Ça dit quelque chose, ça, mais... Non, il y avait Mini Pouce aussi qui était bon. Okay. C'était des petites créatures qui vivent dans les murs. Moi, j'en ai écouté beaucoup. Les Barbe à Papa, tu m'as dit. Ah, Barbe à Papa, bien sûr. Oui. Il y en avait beaucoup. Les pièces étaient toutes bonnes, les chansons. Oui, mais les intros, les émissions, dans le temps, tantôt, vous le disiez, Aujourd'hui, c'est plate, c'est plate. Mais là, c'est ça, on a plein de générations de petits bonhommes. Là. On ne dira pas nos âges. Vous pouvez deviner un peu. J'aimais bien l'intro de Madame Pepper Pot. Madame Pepper Pot. Vous connaissez pas ça? Moi, ce qui me faisait rire tantôt, c'est qu'il y a bien des émissions que Steph parlait ou toi, puis c'est genre des trucs que j'écoutais avec mon gars, genre. Les reprises. Ben, pas tout le temps. Pitié, les reprises. Ben non, mais il y en a que vous avez dit, ça a roulé jusqu'en 98-2001. Ben oui, mon gars, il est en 98 quand même. Oh oui. Fait que... Ça, c'est quoi? Pepper Pot. Madame Pepper Pot. Sinon, moi, j'aimerais les trucs québécois. Genre Félix et Ciboulette... Oh mon Dieu, oui! Non, c'est un genre de Bobino, mais après, là, Bobino, comment c'est j'ai vieux. Pu oublier Félix et Ciboulette? J'étais complètement bon, dingue de cette émission-là, avec l'intro et le ballon qui roule un peu dans la ville. Le chat voulait pleurer. Le chat, il était laid, mais il était Il fun. Voulait pleurer, puis il trouvait ça plate, il était un animal, il pouvait pas verser de larmes. Je me souviens de cet épisode-là, c'était beau. Belle émission. Mais aussi, l'autre fois, à plein temps... Autrefois, on parlait avec Madame Bourrette. Oui, exactement. C'est un mix entre des humains. Puis des gens. Ta mère pouvait être une marionnette, ton frère aussi. Et toi, t'étais normal. C'est là qu'on a découvert Pete dans Chambre en ville. Ben, il s'appelait Francis Reddy à l'époque. Oui, à l'époque. Reddy, Reddy, go. Passez l'hiver à CKSH. Merci pour l'indicatif de la station. Station du groupe Cogeco. Oh, c'est-tu à plein temps? Ouais. Oh, fuck. Ça, c'était comme la suite de Passe-partout, tu sais. Oui. Mettons, la suite logique de Passe-partout. Quand les Marianne... Ah, faut vraiment aller chercher à plein temps générique. Ça fait peur. Faut le visuel, en ce cas-ci, c'est malade. Ils ont des grosses mains. Ah, ça fait peur. Atroce. Les adultes, ils ont l'air... Ça fait comme pédophile plus 1000, on dirait. Oui, exact. Mais comme on disait hier dans le show, un clown puis pédophile, ça va bien ensemble, tu sais. Mais des... Tu sais, je sais pas moi, un clown et le mot pédophile, ça va... Mais ça, c'est la même chose. Des genres de marionnettes louches un peu, ouais. Épeurantes. Pas des sex dolls, mais... non, loin de là. Hey, est-ce qu'il dort, ouais? Ah oui, hey, la panoplie de gens qu'on connaît là-dedans, là, ça se dit même pas. Ils ont l'air vrais, les poupées, par exemple, pour vrai. Par moment, ils ont... Mais c'est ça fait peur. Par moment. Mais ils faisaient des... fermer les yeux un peu pas égal, là, puis ça faisait peur. Vraiment. Oh, vraiment. Ouais. Sinon, toi, moi, j'ai pas écouté, mais toi, tu dois être de la gang aussi qui a écouté chose avec Jean-Pierre Coallier. Là. Comment ça s'appelait? Les 100 watts? Les 100 watts. Marc-André Coallier. Oui. Mais, j'ai dit Jean-Pierre. Non, je pense, mais son père. Comme j'ai déjà dit, et je sais pas comment ça s'est passé dans ma vie, je sais pas si j'ai un blocage sur ma jeunesse, mais on dirait que je ne suis pas quelqu'un. Pourtant, je suis quelqu'un de super nostalgique. Tu sais, c'est pas vrai que je suis nostalgique, que c'est pour ça que je suis nostalgique. Tu sais, les jeux vidéo, maintenant, je vois des jeux vidéo rétro, j'écoute encore des sitcoms des années 90, j'aime beaucoup ça. Mais c'est pas pour la nostalgie, c'est plus parce que je trouve que c'est la meilleure génération, je trouve que c'est bien. Mais non, je suis pas très, très genre, je me rappelle de mon enfance, puis je pourrais même pas te mentionner une phrase qu'il y avait dans le club de 100 watts. Les personnages, je me rappelle pas. Mais je sais que je l'écoutais à tous les jours. Parce que me semble que c'est ton âge, pas oui, mal. Pour vrai. Parce que moi, je le voyais, j'écoutais quand c'était Marc Labrèche. Là, il était complètement fou, c'était drôle. Mais moi, pour vrai, ce qui me manque, c'est quand vous parlez du studio avec Bruno Blanchet. La saison 1. Parce que ça, j'ai jamais écouté, moi, live, genre. Non. Mais c'est les saisons 2 et 3 ont rejoint en reprise pendant plusieurs années. Okay. Jusqu'au début de Vrac TV, comme on a dit tantôt. Mais... C'est ça, c'était marquant, puis ça manque ce genre d'émission-là au Québec. On n'a plus ça. Ça se trouve pas ça en DVD, en coffret, non, quelque part? Non, j'ai jamais trouvé. J'ai trouvé des extraits, ouais. Évidemment. Il y a les Robinson, entre autres. Un sketch que je cherchais pendant très très longtemps a récemment été mis en ligne. Celui avec la mouche. Oui. Mouche. C'est mon préféré, pour ceux qui s'en rappellent. Était quelque part sur Internet, donc je cherchais là. Mais sinon, moi, j'aime bien les ce qu'ils ont récupéré après dans N'ajoutez pas votre sécheuse. Là, et en plus trash encore. Encore beaucoup plus trash. Moi, c'est ça les images que j'ai. Le Jean du Château, ou ben les deux, avec Guy Jodoin, à l'époque, qui avait du talent. Avant de passer du côté du obscur, de la force, eh bien, Guy Jodoin avait vraiment du talent. Et puis, je l'aimais bien, ce personnage. Ouais. Il était complètement fou. Il fitait vraiment avec Bruno Blanchet. Bien plus avec que Stéphane Crash. Le spandex. Ouais. Puis voir le petit paquet, c'était drôle. Pour vrai. Il était vraiment con. Vraiment très drôle. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour les émissions jeunesse parce qu'on veut accueillir David Ferron s'il s'en vient. On l'attend. Pour l'instant, on écoute une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Le Couleur. Retour de Le Couleur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Piano électrique, entre autres, un paquet de chansons qui jouent encore assez fou. Donc, Vacances de 87 est la pièce qu'on s'en va entendre tout de suite à Assemblage Requis. Jusqu'à 9h, Danny Janvier est là, Stéphanie Paradis. Bon. Oh. On devrait pas dire Vacances de la 87 avec du couleur. Ah, oui. Oh, stop là. Hop. Hop. Retour, on accueille David Ferron. Il est dans ton oreille pour passer un autre bon moment ensemble. Si vous trouviez ça impertinent tantôt, attention. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou de la scène émergente. Oui, qui rit de s'écraser. Qu'il se donne ou qu'il 89, se... 89-1. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Bilodeau nous présentera une chronique sur nos amis les animaux dans d'une foulée à l'autre. Jasmine Raymond-Dreville et Anne-Julie Durocher seront avec nous pour leurs chroniques respectives et on discutera comme toujours de politique avec François Landry et son segment Logocratie 101. C'est demain 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis au 89 FM, Stéphanie Paradis. Mathieu Plante. Oui, Jean-Philippe Charbonneau n'est toujours pas là. Dany Janvier, par contre, est là. Oui. Oui. Oui. Allô? Allô? David Ferron! Salutation de moi, ça. Non, pas partout, pas partout. David, ça va? Oui. T'as pas l'air en forme, pas en zéro. Fin de session. Vraiment, t'as pas l'air en forme, tu m'as fait peur quasiment. Tellement que t'avais mal. Non! David met sa main dans la face de David. Il sort. Ah, oh, le magicien. Des mauvais curses. Il est envoûté. Le magicien. Ah! Oh. Waouh, waouh. Avec des ballons ronds qui tournent. Oui, écran en rond qui tourne. Bien référence. David, tu sais, au moins t'es fin, parce qu'il y a beaucoup de monde en fin de session, ou en mi-session, ou en début de session, ou en presque fin de session. Tu sais, les étudiants ont toujours des raisons de ne pas venir. Ça. Mm-hmm. Mais toi, tu viens quand même. Oui, je suis loyal malgré le manque de fiabilité de mon snooze. De ton snooze? Bon. Mais appuie sur le bouton qui va partir ton intro, Ad. Vas-y. OK. Pouf! Parfait. Wow, Dany, t'as bien dit le nom de la chronique, hein? C'est beau. David, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va? Je sais pas quel ton de voix prendre ce matin. Prends le tien, c'est parfait. Ouais, ben il s'en sert rarement. T'en as-tu un juste à toi? Je sais pas. C'est qui? C'est Pikachu, ça, version rock? Pikachu, destroy life! Pourquoi tu lui as rappelé ça? Je sais pas. Tu cherches le trouble, là. On dirait que c'est ça que je veux dans la vie, pour causer des problèmes mentaux. Ça. J'en ai plein, il faut choisir lequel. Des problèmes est le mentaux, plus... oui, tout à fait. Oui, il faut choisir lequel est le plus approprié ce matin. On le met d'une boîte, on shake, on le sort. Donc aujourd'hui et cette semaine, en fait, David, Stéphanie et moi, on t'a donné trois pièces, nous a demandé trois pièces. Oui. OK, donc Stéphanie en a choisi une, j'en ai choisi une et on a fait un choix commun. Choix commun qui est d'ailleurs en studio d'Annie Janvier Biobas. Hein? Bon, oui. C'est beau pareil. Hein? De la pression pour me mettre de la pression. Là, fait que là, je suis stressé un petit peu. Normal. Je vais chanter à tout une live que je fais tantôt. C'est le fun. J'ai pas retenu les paroles. Puis en plus, c'est une partie qui est parlée. Je fais que... Oh, fuck. Ouais. Dans quoi t'as mis ça, David? Trouvons, ben en fait, dans la clé USB... Tu vas voir le ça, dossier. Ça pourquoi je décris ça en ben, c'est parce qu'il y a juste un dossier backup. Fait. Ouais. C'est là-dedans? Ouais. Ça, t'as soit BD, mémoire, copie, quoi, inscription, DVD, Dropbox, livre, compte rendu, puis Random Fish. Random Fish. Random Fish, OK, c'est bon. Ça pourrait être moins clair? C'est ça? Non, c'est super clair. C'est juste que là, c'est sûr que oralement, dire des fichiers de clé USB, c'est pas très... sexy. Non, mais comme faire des blagues de référence que personne comprend, tu sais, c'est des choses que t'aimes pourtant faire. C'est pour toi que je fais ça, David. Oui, je le sais, t'es fin. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Mathieu? Je sais pas. Tu te sentirais sûrement moins persécuté, un peu. Ben non, j'aime ça quand tu me lances des pierres de ton regard et quand tu me persécutes. Mon père s'appelle Pierre avec. Il est mazou. Oh. Ouais. Il aime ça. J'aime ça souffrir, surtout pour toi, Mathieu. C'est touchant. Oui, ça me touche. J'aime ça quand ça me touche. Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais plus. Est-ce qu'on a une chronique? Non. Oui, on a une chronique qui s'appelle « La langue dans ton oreille ». Et là, ça a l'air que j'ai trois chansons à présenter que Mathieu et Stéphanie ont décidé de me proposer. Ça, on avait établi ça déjà, oui. Oui, et ça, c'est trois bonnes chansons. Et on va commencer, en fait, avec le groupe Polyte et Presse Citron. Super Polyte, si tu veux dire Polype. Oui, Polype. Oui. Polype. Polype. Tu veux qu'on l'écoute, là? Oui. Ben, on va écouter ça. Polype, Presse Citron, une de mes pièces préférées, moi, depuis bon nombre d'années, je vous dirais. Non. Plus. C'est le groupe Polype avec la chanson Presse Citron. Et en fait... Non, c'était Fraise Citron. Fraise. Ah, moi, je pensais que c'était Banane Ananas Blender. Ce serait un bon mix, un bon smoothie. Banane cornichon. Oui. Pour les femmes enceintes, ouais. Donc, David Ferron, c'est l'angle dans ton oreille. Tu nous fais des liens aujourd'hui entre les pièces qu'on t'a suggérées. Et ça, c'était mon choix, Presse Citron. Oui, puis les liens sont vraiment douteux. Tandis que Danny essaye de mettre sa langue dans mon oreille. Ben, il fait bien, hein. Oui, on devrait faire le duo, le sa langue dans son oreille. Sa langue dans mon oreille. Oui. Ouais. Si tu veux. Moi, je ne suis pas inclus là-dedans, c'est bien grave. Bonjour les enfants. Ouais. Donc, tu voulais... Il a failli, David, nous dire le lien entre les chansons en ronde tantôt. Je veux dire, c'est parce que dans Vie Radio, il y a le plaisir, il y a le suspense, hein? Ouais. C'est qui, Pence? Ah, je sais pas, je connais. Le succès, je le connais presque pas. Oui, silence radio! Silence! Donc, David, le lien avec la prochaine pièce, est-ce que c'est la pièce de Stéphanie ou la pièce qu'on a choisie en commun? Qu'est-ce que tu fais? Je sais même pas qui a choisi quoi. Bon, le dit tantôt. Je te l'ai un petit peu écrit dans le message que je t'ai envoyé. Ah ouais, j'ai pris trop les chansons, j'étais trop absorbé par la qualité des lignes, chansons. Il y avait trois lignes. Ouais, je sais, je suis en fin de session, donc dès que je lis une ligne, ça prend toute mon énergie. Tu te fasses une ligne après. Oh! Donc, on va y aller avec ma chanson. C'est laquelle? Rouge pompier. Ah! Ben, en fait, je pensais présenter la toune de Danny, mais c'est pas grave. Okay. Est-ce qu'on y va avec la toune de Danny? C'est notre choix commun, fait que ça aurait du sens que ce soit en plein milieu, et Danny est tout le temps en plein milieu de Stéphanie. De... Ouais. C'est un sandwich d'employé. Hein. Miam. Oh. Ciel, la viande. Oh! Ah, OK, je pense. Ça va supposé être moi dans le milieu? Ça, j'ai dit, c'est elle, la viande. Nous autres, on est le pain. Ouais. Puis toi, t'es quel type de viande? Pas jambon, j'espère? Non. Bacon. Kevin Bacon. Rouge pompier. Non? Ah. Non, c'est plus raffiné que ça. T'as, soyez donc gentil. Pas, je sais pas. Prosciutto. Oh, fancy, hein? Ouais, non, hein? Ça, c'est bon, pancetta? Pancetta? Oh, là, tu vas trop loin. Pancetta, c'est bon dans des pâtes carbonara. Ouh! Miam! Mais là, si tu veux nous séduire, c'est le bacon, pareil, là, ça, oui. C'est sûr. Bien, sur des pâtes, surtout, là, comme tu parles, pâtes carbonara, le bacon à souhait. Là-dedans. J'ai faim. Salut! Il y a des spéciales aux fraises, si tu veux. Non, mais, tu sais, Mathieu, pancetta, c'est comme du bacon fancy. C'est vrai. Ah, ben, tu vois. Moi, j'aime le pancetta, justement, le faire frire. Ben oui. Tellement bon. C'est qui ça, toi? Parce que moi, le pancetta, j'irai pas jouer pour prendre ça. Bon, est-ce qu'on peut revenir à Biobazar, David? Non, c'était bon, t'étais dans une belle lancée de blagues douteuses. C'était même pas drôle, fait que c'est pas des blagues quand c'est pas drôle. Hein. Ben, salé, c'est juste pas drôle. Mais non, c'est une blague, Mathieu, je t'aime. Mais en fait, c'est quoi? En fait, je voulais présenter une chanson de Danny Janvier qui est à côté de moi. Allô? Bonjour! Voilà. Et en fait, la chanson, ça va être Sky Fish, mais avant de... présenter la chanson. En fait, avant de diffuser la chanson, je vais vous présenter le lien entre Polype et Danny Janvier. OK. On écoute. On sait que Presse Citron, c'est Presse Citron. Oui, bien sûr. C'est évident. Bon point. Et en fait, il y a un site internet qui s'appelle Presse Citron, qui est un site de musique. Ah, tricheur! S'il y a toute la musique du monde dessus, fait que oh, c'est de la musique, fait que Danny Janvier, il fait de la musique, fait que c'est un lien. C'est mais ça? Pas juste ça, vu que Presse Citron, c'est un site électronique et que Danny fait de la musique électronique. Okay. Est-ce que ma musique est dessus? Ah, faudrait aller voir. Ben, en, ça marche pas. Continue, je vais aller voir. Mais aussi, étant donné que par contre, tes tunes sont sur iTunes, et là, iTunes, qui dit iTunes, dit Apple, donc pomme, donc Presse Citron, on est dans le fruit. Wow! Oh, c'est bon ça. C'est pas bon, mauvais pantoute. Pas si pire, ouais, quand même. Je me rattrape, hein? Ouais, pas pire. On écoute donc Skyfish de Biobazar, Danny Oui. Jean. Thank you. quelle heure, là? Minuit. Merci, mon brave. Bon. Où en étais-je? Ah oui. C'était Danny Janvier avec la chanson Sky Fish tirée d'un album au nom assez complexe que je vais essayer de bien prononcer. Attends, prise, hein? Je vais essayer de ne pas le massacrer, Danny. Vas-y. Je vais essayer. Ça n'arrivera pas. Obom Contech. Wow. Parfait, c'est parfait. Premier coup. C'est vraiment la façon de le dire. Ah ouais? Ouais, avec le Obom, là, c'est parfait. Tu vois, on n'a rien à dire de drôle. Ok, parfait. C'est dans mes plats. Ouais. Fait que c'est bien plus drôle quand tu te fuck, est-ce qu'on rit? Il me regardait, j'ai eu peur. Arrête de toucher, voyons, non. Hey, là, il touche à Danny Janvier, harcèlement sexuel. Voyons, non. Hey. Donc, David, on fait des liens entre les pièces aujourd'hui. Et là, on vient d'entendre Danny Janvier, Bio Bazar. Oui. Et après ça, on va entendre une pièce que Stéphanie a choisie. Et il va avoir un lien avec ça, j'imagine. Oui, puis je l'ai cherché assez loin, merci. Et en fait, parce que je vais commencer avec Kevin Bacon. Qui est le nom de l'album de Rouge Pompier que Stéphanie a choisi. Exactement. Et Kevin Bacon, il y a une espèce de théorie assez bizarre concernant les 6 degrés. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, j'adore cette théorie-là parce qu'elle est tout le temps vraie. C'est qu'en fait, il paraîtrait qu'il y aurait au moins, dès qu'on prend 6 acteurs, il paraîtrait qu'il y aurait un lien entre 6 acteurs et Kevin Bacon. Dans le sens que chaque acteur aurait un lien avec Kevin Bacon, mais qu'il y aurait au moins 5 autres acteurs intermédiaires qui font en sorte que cet acteur-là est lié avec Kevin Bacon. Tout le temps. Puis il y a même un jeu de quiz qui s'appelle 6 degrés de Kevin Bacon. Cool. 6 degrees of Kevin Bacon. Oui, mais on n'est pas supposé avoir 6 degrés avec tout le monde. Oui, à peu près tout le monde. Oui, c'est ça, mais on dirait qu'ils ont décidé de faire une thématique sur Kevin Bacon. C'est plus drôle avec Kevin Bacon. Ouais, il y a un beau nom, gars. Il y a même du monde qui ont fait un album à son nom. Ben oui, puis je pense même qu'une référence dans Frisson, dans le film Scream. Oh. De Kevin Bacon. Oui, voilà. Sur les 6 degrés de Kevin Bacon. Cool. Faudrait que je le regarde. Je ne sais pas si c'est dans Frisson 1 ou 2, mais ils font référence justement. On peut le regarder, je vais le partir dessus. Bon, on regarde sur le reste de l'émission. Okay? Bon, oui, mais c'est parce que le film dure 1h30 puis il reste 15 minutes. Oups. Et que tu n'as pas la notion du temps. Ben non, hein. Mais on t'aime pareil. J'ai une autre chronique à faire après. Fait que... OK, Back to the Future. Et donc, parlant ça de Kevin Bacon, il a joué un film assez... En fait, deux films assez hot qui pourraient peut-être faire élever votre thermomètre interne, c'est-à-dire Racoleuse et... The Naked Truth, où ce que Kevin Bacon se montre de manière simple. Il est tout nu. Entre autres. Il est comme un petit cochon tout nu. Et donc, ça réchauffe la température de certaines femmes comme Stéphanie. Ah oui? Mettons un nom dessus. Et Stéphanie. Donc, Stéphanie, avant qu'elle se consume, on a besoin de pompiers, mais des pompiers qui sont rouges. Donc, rouge pompier avec la chanson « Dehors, c'est le bordel ». Wow, celui-là était moins bon que l'autre. Ouais, je le sais. Mais si tu le dis, David. J'étais mieux de dire que du bacon, c'est de la bouffe, puis que Apple, iTunes, ah oui, le lien est meilleur. Ah, je le sais, mais je fais ce que je peux dans la vie. On écoute Rouge Pompier. On t'aime, j'avais. Si tu l'isoles, si tu divises, je pars si tu m'ignores, je pars si tu méprises. Si tu me voles, si tu t'y... c'était Rouge Pompier qu'on vient tout juste d'entendre avec la chanson d'or. C'est le bordel, mais pas tant que ça, parce qu'il fait un beau soleil. Et de plus, quand je suis arrivé, j'ai vu Stéphanie, Dany et Mathieu, un trio avec plein de soleil dans leur cœur. Têtu. Si, ouais, vraiment, licheux. Ben là, vous êtes briseur de basse attention. Oui. Ouais, vous êtes méchant un ça peu avec David. Ça a fait du même. Ouais, puis c'est rendu que c'est Dany qui me défend, là. Oh! C'est rendu loin. Là. Deux contre deux, ça va pas bien. Ben pas. Wow, wow, là. T'es pas complètement dans son équipe. Non, mais je suis pour la justice quand même. Ok, t'es comme un entremetteur, un modérateur, un médiateur. Ouais. Hein? Bon. L'avocat du diable. Un bon acteur. Oui, l'avocat du diable. Donc, David Ferron, c'est la langue dans ton oreille. Tu as fait des liens entre une pièce de Polyp et de ouais. Biobazar. Et là, un lien entre Biobazar et Rouge Pompier. Un vrai succès. Voilà. Donc, c'est bouclé. Oui. C'est tout. Oui, je suis heureux et merci de vos suggestions parce que c'est trois bonnes chansons très différentes, mais qui sont vraiment très, très bien à entendre, surtout en fin de session, quand on est écœuré de la vie, qu'on a le goût de se jeter de son sous-sol. Vers le haut. Tomber vers le haut. Ouais. Rebouler les marches. C'est ça, débouler tes rebouler. Excellent. Rebouler les marches, c'était fortif. Merci, David. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine dans les palmarès, c'est fou, les jeudis après-midi. Oui. Parce que t'es aux deux semaines à Assemblage Requis. Par contre, si mes calculs savants sont bons, la semaine prochaine étant la dernière, t'as plus d'autres chroniques que l'angle dans ton oreille à Assemblage Requis. Non. C'est malheureux. Hein? C'est triste, hein? C'est ta dernière. Ouais, c'est triste. Pas mal. Pratique de même. On y met ça, hein, de 20 faits. Ouais. Tac. C'est la poule. Pleine face. Au petit gars. Hey, t'as envie de t'envoyer des curses. Hey, pourquoi moi aussi? Mais on peut annoncer, par contre, David Ferron, est-ce qu'on peut l'annoncer, c'est une question? Oui. Que la langue dans ton oreille va revenir en tant que chronique à Assemblage Requis, la version estivale. Ouais. Ça, on n'annonce pas encore ce que c'est, par contre, parce qu'il y a un petit concept derrière ça qu'on garde pour l'instant mort, mais tu vas revenir dans la version estivale. Mais tu vas aussi avoir une nouvelle émission. Le retour d'une émission ou une nouvelle émission, on sait plus, ça change tout le temps toutes les semaines. Ouais, c'est ça. C'est nouveau, vieux. Ouais, je suis plein de surprises. c'est plein de choses, ça, on sait. Plein de ressources, jeune homme. Oui, j'en ai plein sous ma poche, des ressources. Ah, droit au but. Lapshot. C'est hein? Oui. Oui, en fait, c'est que ma chronique qui est diffusée à toutes les deux semaines à Palmarès, c'est fou. En fait, cette chronique-là, je l'ai adoptée et finalement, je l'ai faite grandir pour que cet enfant-là devienne une émission. Il s'envole de ses propres ailes. Donc, dans le fond, ta chronique Brancher le monde, des Palmarès, c'est fou, OK, Brancher le monde. On va arrêter de passer de la musique du monde dans les palmarès qui fait pas partout. Puis tu vas avoir ta propre émission à la place, c'est ça? Oui. Cool. Ah, enfin. Cool. Dany adore mes chansons. À chaque fois que je diffuse une chanson, Dany dit, peux-tu demander à Mathieu qu'il pèse sur le piton repeat? Loop. Donc, Brancher le monde les jeudis à midi. Ah, c'est officiel? Ah, c'est fou. Ben oui, apparemment. Yeah! Je sais pas quoi annoncer parce qu'on s'est rien dit à l'avance. Fait que ça. Donc, mettons jeudi à midi puis on s'en reparle, OK? Ça va être cool. Bon. Puis tu vas faire la langue dans ton oreille à l'émission estivale qu'on va animer, Stéphanie et moi, entre autres, jeudi. Après. Ah, c'est toi l'animatrice cet été? On peut annoncer des affaires une fois de temps en temps. Ben oui, pourquoi pas? On glisse des indices avec le temps. Jean-Philippe, on a déjà parlé qu'elle est participée. C'était Philippe Paradis aussi. Voilà, donc pour la langue dans ton oreille, on va continuer avec King Sexy Time version Short and Sweet parce qu'on en a parlé beaucoup trop dans l'émission pour ne pas la faire. OK, on y va? David veut faire une voix sexy pour annoncer King Sexy Time, s'il te plaît? Alors, on va écouter Kinky Sexy Time sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Waouh! C'est vous! Moi, je suis tout émoustillé, tout trempe. C'est comme l'émission avec les grenouilles et la taupe, là. Ça donne le vent dans les saules. Oui, il me faisait penser à Bleu Nuit. Oui. Hein? David. Le mec, ça s'appelait la bonne femme qui animait, là, sur l'oreiller. Ça veut dire rien. Oui, mais à DQS. Oui, je me rappelle. C'est pas France Castel? Oui! Ta voix de France Castel, je trouve. Elle est un peu sourde. Hey, mais elle revenait de désintox. Yes, sir! Elle avait des excuses au moins. Dis que j'ai une voix de fille en désintox. Ben, qui sort de désintox, ouais. On pourrait dire ça de même. Mais où, ma dope? Elle était cochonne, elle. France Castel, la MILF par excellence. Exact. Donc, King Sexy Time, c'est la chronique pour les gens, le public plus ou moins averti, hein, Steph? T'es averti? Je t'ai averti? Oui, je suis au courant. Good. Dany, t'es averti? De quoi? Faut pas penser que ça va être chill, ça, non? Ok, doux, ok, ok. Donc, les scientifiques ont découvert récemment qu'une protéine essentielle dans le sperme est moléculairement similaire au venin de serpent. Quand tu dis, est-ce que je te sorte le boa? Le boa de mon terrarium, là, ça ressemble à peu près à ça. Dans certains cas, les hommes peuvent avoir de la difficulté à se rendre, à orgasmer avec un partenaire ou une partenaire, parce qu'ils sont trop habitués à la stimulation rapide causée par la masturbation. Oh. C'est un syndrome de la... Pratiquez-vous. Branlette. Pratiquez-vous pour bâtir votre stamina. Les nations européennes régulièrement vont encourager les adolescents à se masturber, d'ailleurs une fois par jour. C'est particulièrement populaire au Royaume-Uni et dans les Pays-Bas d'encourager les jeunes à se toucher pour découvrir leur corps et j'imagine pas avoir les couilles bleues comme on a dit. Le prof, avant, quand il donne les devoirs, c'est oublié pas là, les garçons ce soir. Hein? Pourquoi juste les garçons? Ben oui, t'as raison. Tu sais, c'est ça? Ben n'oubliez pas ce soir, faites votre besoin, votre devoir. C'est les devoirs et leçons et. Ouais, pour remplacer les cours de FPS. Oui, les first-person shooter. Ouais, parce que... la masturbation. Hey, on parle beaucoup de masturbation aujourd'hui. Beaucoup de masturbation aujourd'hui. Hein, David? Ça donne le goût. Oui, on croit... On sortira avant. Plusieurs professionnels de la santé mentale disent que ça aide à avoir une meilleure estime de soi. La masturbation, il dit, selon une étude, t'as une meilleure estime de soi, plus tu te touches. Il y a donc bien juste des effets positifs. Ça arrête plus, là. Il me semble qu'après, tu te sens un peu coupable. Ben, en tout cas, tu te sens coupable ou si t'as lu Zone Campus en la section société, là, tu te sens comme moi, je vais mourir, moi, là, c'est... Hein? Lisez ça. Oui. 53% des femmes utilisent des vibrateurs. Tu liras. 53% des femmes utilisent des vibrateurs lorsqu'elles se touchent. 17% des hommes ont déjà admettent, mettons, avoir utilisé un masturbateur une fois dans leur vie. Un masturbateur. Un vibrateur, j'ai comme la fusion des mots. Masturbation par vibrateur. 17% chez les hommes, 53% chez les femmes. Voilà. Ben, ça existe des masturbateurs. Oui. Mm-hmm. Non, c'est pas le mot vrai, que je cherchais, mais ça existe. Ouais, c'est ça. Le plus gros condom du monde. Hey, Mathieu! Le trépied! Mesure 220 pieds de long. Mais tu veux tout le savoir? Dis-moi quelque chose de nouveau. T'en as un chez vous, un condom de même. Apprends-moi quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a utilisé. Il fait juste comme exister. On se baigne dedans. L'enveloppe, il est gros comme. Tu sais, parce que ça, t'as dit à longueur, mais le carré de l'enveloppe. Je suis un spaghetti, mais 220 pieds de long. Je sais pas. Utiliser de la marijuana. Avant les relations sexuelles, ça peut augmenter le plaisir sexuel. Ah. Et on dit que ça aide les hommes à durer deux fois plus longtemps. Ben, c'est normal, ils sont un peu perdus. Je m'en où? Au milieu des années 1800, la masturbation féminine était souvent traitée. OK, parce que c'était un gros problème, ça. L'hystérie. Tu vois, il y en a qui vivent encore les années 1800 dans le bon campus. On enlevait par chirurgie le clitoris au complet. Oh. Par chirurgie, ça, ablation du clito. Ça se fait encore, ça? Ouais. Dans pays. Ouais. C'est beau. C'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Les lèvres sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Même l'entregent n'a pas autant de sensibilité. Mais là, quand tu parles des lèvres... On parle des lèvres buccales. Les lèvres de bouche, là. Les lèvres buccales. OK. OK. Sensibles. Non, mais tu sais, mais les autres aussi sont sensibles, pareil. Mais pas autant. Pas autant que les lèvres de bouche. Pas autant les infirmiers. 65% des gens, 65% du temps, pardon, les gens vont, tu sais qu'on appelle le rebound, là, ils vont rebondir sur leur ex parce qu'ils s'ennuient des relations sexuelles et non pas parce qu'ils sont s'ennuient pas de l'ex, ils s'ennuient juste du sexe. Du chwing-chwing. Dans le fond, l'ex, c'est un bouche-trou. Littéralement. Ouais. Oui. C'est le cas de le dire. C'est le terme. Embrasser trois fois par jour, ça peut aider à renforcer. Non? C'est améliorer la force de votre métabolisme. Ah. Embrasser trois fois par jour, ça améliore votre métabolisme. Ah, ben oui, c'est plein de bactéries. Ça améliore aussi la force du couple. Oui, aussi. Pour vrai. C'est le hugging de et le kissing. Puis des hugging, là, ça. C'est tranquillement que ça devient le quotidien monotone. Plus plate, exactement. Toujours à Kinky Sexy Time, on parle ici de testicules de le mot testicule, je trouve très bien. Dis pas ça, dites ça à la radio. Bull, c'est... Un bœuf. Un bœuf, un bélier. Un bull, non, un bull. B-U-L-L. C'est un... Donc, des taureaux, là. Taureaux, je pense que c'est peut-être le mot que je cherchais. Oui, quand ils montent sur des taureaux, c'est bull, je sais pas quoi. Donc, les testicules de taureau, les yeux de chèvre... Et le sperme d'un orignal, hein, deer. C'est une recette. On a déjà parlé de deer. Une potion magique que tu nous donnes. Un chevreuil. Le chevreuil, c'est ça. Et quand on est que j'ai de la misère avec les animaux, ça n'a pas d'aspect pour mon domaine. Les cornes de rhinocéros, OK? Ça a été déjà mangé par les hommes, OK? Pour leur propriété aphrodisiaque présumée. Donc, apparemment, tout ce que je viens de vous nommer là, c'est. Tu mets tout ça dans le blender, puis ça te fait un bon smoothie matinal. Comme dirait David, tu mets ça dans le blender, parce que c'est son expression. Tu viens dur de même. Wow. Ben, c'est ça qu'ils pensent, en tout cas. Touche du bois. Puis quand tu le penses, je pense que ça peut marcher. Parce que c'est ça, cette histoire-là. L'effet passe, c'est vrai. psychologique. Ouais. Recevoir du sexe oral, ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà fait ce fait-là, là, je le sais. C'est le numéro 1 sur la liste, le top 10 des fantasmes sexuels des Américains mâles. Okay? On dit que les relations hétérosexuelles, les ménages à trois et poignées des seins, c'est dans le top 5 des fantasmes des gars, des choses qu'ils préféreraient faire. Ben, c'est pas pire, c'est possible. T'sais. C'est pas trop extraordinaire. C'est assez, c'est assez de base. C'est de base. On se contente de peu, nous. Hein? On est comme 5. Ça. Mais ça. là où les couples se rencontrent, OK? Donc, les endroits où les gens se rencontrent. Une fête privée ou un club genre social ou un gym, genre les endroits publics comme ça, c'est 29%. À l'école, 22%. Au bar ou par une publicité personnelle dans le journal ou en vacances, tout ça ensemble, 20%. Ailleurs, 17%. Au travail, 11%. Et à l'église, 1%. Non, mais là, vœu de chasteté, puis pas avoir de mariage, là, fait qu'à l'église, tu rencontreras pas même du monde ouvert là-bas. Non, mais t'as plus de chances de rencontrer une bonne qu'au bar. Oui. Parce qu'au bar, là... Non, va pas te magasiner une fille au bar. Comment? Tu peux te magasiner des fesses, mais pas une fille. C'est ça. À la bibliothèque, tu sais, à la librairie, mettons, dans un petit café. À l'épicerie, j'aime ça. Après, je voulais melon. On parlait de masturbation au début de chronique tantôt, c'est tellement chic. Les gens ont tendance à se masturber plus. Quel jour de la semaine, selon vous? Mercredi. Non. Aujourd'hui. Le lundi. Oui. Après l'émission. Le lundi, non. Tout de suite, là. Je sais pas. Vendredi. Non, tout le monde dit échec. C'est le dimanche. Voyons, le jour du Seigneur. Ah. Ah, ben, on a. Ouais, il s'est reposé. C'est venez vers Dieu. Ah. Venez à moi, cher. C'est quoi, si ça prend trop de temps? La semaine, pas le temps. Je travaille, pas le temps de me. C'est ça, la routine. Aïe, aïe. La plupart des hommes en dessous de 40 ans peuvent avoir une érection en moins de 10 secondes. 10 secondes, quand même. Fais-tu le test? Compétition? C'est-tu toi qui vas vérifier? Ah, viens toucher, voir. Malgré ce que les hommes disent, seulement 15% des hommes ont un pénis plus gros, plus long que ça. C'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est? Lui, il était encore en train de se demander si j'allais... Dans 10 secondes, j'étais pour être... Pense à une grand-mère, puis ça va descendre. Je sais pas que ça descend. Non, puis ma grand-mère, tu sauras, c'est une très belle femme. Malgré ce que les hommes disent, seulement 15% des hommes ont un pénis plus long que 7 pouces. Seulement 3% en ont un qui mesure plus de 8 pouces. David est en train de chuchoter quelque chose alors qu'il y a un micro dans la face, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pense à France Castel. Pense à France Castel. Parce qu'elle a un pénis de plus de 10 pouces. J'ai pas dit ça! Non, c'est j'ai juste la première. Ah, France Castel, c'est une chimène? Non! Apparemment. Les scientifiques ne sont pas certains pourquoi les humains ont des poils pubiens. Mais leur théorie est que les poils vont t'emmagasiner, vont garder les sécrétions qui tiennent les phéromones, l'affaire qui attire le sexe opposé. L'autre sexe. Donc, les odeurs sexuelles, donc ce serait pour ça qu'on aurait des poils pubiens. Mais bon, selon les scientifiques, en Grèce et en Rome antique, les dildos étaient fabriqués à partir de cornes d'animaux, d'ivoire, d'or, de l'or, de l'argent et de la vitre. Ah! Il y en a encore en vitre, là. Oui, ça. Ben, mais non, en bois, il n'y en avait pas. Sûrement, mais là, on parle de bois. Peut-être que c'était plus tard, je sais pas. Peut-être que plus tard, ils ont eu la technologie pour affiler ça pour réussir. C'est ça, parce que. Mais une fois bien verni. Ben non, puis bien sablé, là. Hein? Par un vrai bon ébéniste. Épéniste. Épéniste. Trop facile. Je regarde l'ordre de tantôt. Il est trop facile. Trop facile, elle. C'est quoi l'ordre de tantôt, Steph? C'est reboulé. Ouais, on n'est pas fait en bois. C'était hein? Reboulé, mais... les escaliers. C'était bon, ça? Je pense que je le trouve meilleur. Good, bon. On s'entend. C'est très original, rebouler les escaliers, moi, je trouve. OK, on enchaîne rapidement. Tes testicules. Testicules? Toi, d'ailleurs, les tiennes. Si t'en as deux, je sais pas. Oui, j'en ai deux. Il y en a qui en ont une. Moi, j'en ai plusieurs qui en ont une. Il y en a qui en ont pas. Donc, tes testicules vont augmenter de 50% quand tu vas t'exciter. 50%! Okay, augmenter de volume, ouais. De volume, masse. Volume, oui. C'est comme te gonfler le torse. Tu sais, un pareil, c'est aussi impressionnant. l'entregent féminin moyen a 3-4 pouces de profond. Ça, on le savait. 3-4 pouces de profond, on l'avait déjà dit. Mais peut prendre de l'expansion jusqu'à 200% d'expansion. Donc, vous êtes capable. C'est ça. Vous nous battez à plate de couture. Ben donc, 3-4 devient 6-8. C'est ça, si on se comprend bien. Il y a environ 8000... Stéphanie, tu m'avais traduit en fait nerve ending. C'était quoi déjà? Comment? Nerve ending. Terminaison nerveuse. Pas capable de ça. Donc, il y a 8000 terminaisons nerveuses dans le clitoris. Non, clitoris. Qui sont dédiées exclusivement au plaisir féminin. Alors que le pénis n'en a que 4000. Donc, il y a deux fois plus de terminaisons nerveuses. Oh, que yes! Ah, ils gagnent partout eux autres. Hein? Les relations sexuelles entre des serpents sonnettes peuvent durer jusqu'à 20 heures. Les serpents sonnettes, 20 heures, bravo. Yeah. Le mot slot Est-ce une slot? Ouais. La fente? Oui. Slot machine. Est-ce une fente? Une slot machine. À l'origine, c'était utilisé pour décrire une femme qui ne gardait pas sa chambre propre. C'est quelqu'un qui était dans une soie à cochon. Des gens qui... salope. Une salope. Une salope dans le terme salaud. Là. C'est ça. Ah. Pas propre. Exact, pas propre. Les études montrent que te gratter la cheville peut être aussi bien... Tu peux te sentir aussi bien que lorsque tu as des relations sexuelles parce que la cheville est l'endroit le plus satisfaisant à gratter hors chérie. Non, le plus, c'est que c'est vrai que ça fait du bien quand ça te pique. À l'intérieur ou à l'extérieur? Ah, les deux. Regarde, on arrête l'émission, on se gratte. On se gratte la cheville. Tabarouette. Gratte-moi la cheville. Oh, tabarouette. Ah, oh, c'est excitant. Tu grattes bien. Certaines personnes trouvent que faire du skydiving, tu sais, plonger dans le ciel de l'avion. Parachutiste, merci. La chute libre. Chute libre. Le vrai terme. Ça peut être aussi excitant, ça peut quasiment causer un orgasme. On appelle ça l'acrophilie chez certaines personnes. Le vent qui te fait vibrer. Ah, ben, je peux, genre de il y a une ville en France qui s'appelle Anus. En France. Anus en France. Oui. Cool. Une façon facile d'augmenter ta libido et d'enlever les gras saturés de ta diète. Apparemment que les gras saturés de ta diète vont descendre ta libido. Ouais, mais c'est sûr que si ça atteint tes artères, ça doit pas aider pour... La circulation sanguine jusqu'à... Ouais. La nicotine, ça empêche le... En fait, ça restreint un petit peu le passage du sang jusqu'à tes organes, dont tes organes sexuels, ce qui va, encore une fois, descendre ta libido et ta performance. Donc, la nicotine, c'est pas à conseiller. Et voilà. Et en plus, ça pue. Fait que ça attire pas personne. OK? Hein? Le message est passé. À toi que je vais appeler son nom. On va l'appeler David. Hein, David Ferrand? Fume pas, David. Ben, je fume pas, voyons. D'où c'est que tu penses que j'ai ce voix-là à matin? le mois de mai. On s'en vient en mai bientôt. Non, c'est le pas long, là. Ben oui. C'est le mois national de la masturbation aux États-Unis. Ah, ben tiens. Allez, on déménage. On va en profiter. On en parlera au Québec. Comment? Et finalement, les testicules de l'abeille à miel masculine. Ça doit être beaucoup gros, ça. Oui, très gros. Ça explose lors de l'orgasme. Il meurt après. Ouais, mais moi aussi, ça explose lors de l'orgasme. Ça se reconstruit très bien. Steph? Que quoi? T'allais parler, non? Ben, j'ai fait quoi? C'est des petites testicules, ça. Je voudrais voir ça. Mais les voir exploser. Oui, il y a sûrement un ralenti sur YouTube. Ah, ça en 1000 images secondes. J'allais chercher oui. ça. Je trouve juste ça, David. On va le montrer ça en c'est nom. Quoi déjà? C'est testicule, explose. Honeybee. Honeybee. C'est le nom et de... Honeybee. Honeybee. Bon, voilà pour Kick Sexy Time. Merci à vous tous. Merci Mathieu. Merci de nous partager. De nous éduquer. Ouais. Ben oui, ben moi je pars de loin avec ça. Fait que tout ce que je lis, je fais comme waouh, je connaissais pas ça. Alors que vous dites sûrement, genre, ben là, tout le monde sait ça. Mais ben voilà. Franchement. On va en musique, on revient. En fait, je pense qu'on va se quitter ici parce qu'il commence à être tard. Puis à un moment donné, on veut pas ambitionner non plus sur le pain. Béni, qu'on dit. Le pain béni, là, le restaurant. C'est le pain béni. Le restaurant de chez Béni. Béni, ouais. Béni entre les deux autoroutes. Il y avait comme 300, ça. Ah, c'est pas sur le pain de béni. Mais moi, j'ai entendu dire que c'était pas des vrais bénis, que le vrai béni, c'est pas ça. Ah, que c'est copié. Ah. Ben, il va falloir les essayer. Hein, donc voilà, on va terminer l'émission ici. On se retrouve demain entre 7h et 9h pour une autre édition d'Assemblage Requis. Demain, à l'émission, on a Maxime Bilodeau et sa chronique sur les animaux. En fait, d'une foulée à l'autre, il nous dit cette semaine chronique Nos amis les animaux. Pourquoi l'oreille animale peut nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et plus spécifiquement sur nos performances athlétiques. En effet, à l'aide d'exemples tous triés sur le volet, nous dresserons de nombreux parallèles entre animaux et sports et activités physiques. Ne manquez donc pas d'une foulée à l'autre à 7h30. Ensuite, Jasmine Raymond-Rainville avec la chronique de la GAQTR, Anne-Julie Durocher et l'index avec ses choix de la semaine et finalement de la politique avec François Landry. Merci à David Ferron. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci, Danny, d'être venu dans ma vie ce matin. Oh, je suis venu dans sa vie. Merci, Danny Janvier. C'est une métaphore spirituelle. Oui. C'est mieux que dans son oreille. Ah. D'être venu dans son oreille, ouais. Ah, ridicule. Merci, Danny. Ah. Merci, Master. Merci beaucoup, Stéphanie Paradis, qui a collé avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu Plante, de m'accueillir comme ça. Ça fait plaisir. On se retrouve jeudi à 15h au Palmarès C'est fou. OK, oui. Ça va être l'avant-dernière émission. Oh! Allez voir sur assemblagehockey.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. Il y a CIF.ca pour la programmation complète qui continue tantôt à 11h avec le dîner de con avec Danny, justement. En après-midi, quelques reprises. Ensuite, dans mes écouteurs à 15h. Ensuite, du rap et de l'électro plus tard. Je ne fais pas la liste au complet. On se quitte avec la formation Tower to Get Down, Stay Down. On l'entend un petit peu moins qu'il y a quelques semaines. On la joue tout le temps. Voici City. Puis, bonne journée, à demain, 7h. Au revoir. Ross Castel vous dit au revoir aussi, on les remercie.